But now we come to a period that I call the battle for identity. Une jeune un peu tatouée, ça sera le titre de l'épisode, sûrement un magnifique visuel fait par l'intelligence artificielle, puisque ce sont des enfants ces visuels. Hein, absolument, c'est des enfants de joueurs du Racing. C'est l'autre activité du club. Du club. Club différent. Bonjour, bonsoir, il va falloir parler très fort, car nous avons une énorme tablée. Conférence de rédaction XXL, des milliers d'anecdotes, je sais même pas si on va pouvoir tout dire. Je crois qu'on pourra pas tout dire. Je vais commencer par présenter les intervenants dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Je commence donc par Calcio. Lifting up the gym, training regimens, they starting to call me Slim. God of the mic, while I'm accepting them, calling me King. Calling me King, calling me King. Well, I'm accepting them calling me King. Bonsoir à tous. Tu es venu avec un quiz. Je suis venu avec un quiz. Donc revenez dans 2h10. Voilà. Pour le quiz. Pour le quiz qui s'annonce palpitant. Comme souvent. Comme toujours. Tu rappelleras qui a gagné la dernière fois, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Si tu rappelleras que c'était JP Darky. JP Darky. Blourg, la famille, Blourg, la team, et surtout Blourg, la commu. Eh bien, la commu très active, sur tous les réseaux, partout. Tout à fait, partout dans les campagnes. Est-ce qu'on a des questions mitelles sur Trou Social, ou Trump Social, je sais plus comment s'appelle son réseau. Truth Social. Non, pas du tout. On a énormément de questions Minitel sur X et sur le site racingstool.com. Excellent site. Monsieur du foot, Alex. Tu es le seul Alex aujourd'hui, donc c'est on va t'appeler Alex. Mein kleiner Bruder hat den Rock'n'Roll entdeckt. Mein kleiner Bruder hat den Rock'n'Roll entdeckt. Mein kleiner Bruder hat den Rock'n'Roll entdeckt. Er ist erst 22 und es hat ihn aufgeweckt. Wie hält er es nur aus? Bonsoir. L'unique, merci, j'abandonne mon magnifique sobriquet de MR pour Alex. Alex, si je ne réponds pas, c'est ou que j'ai pas compris qu'on s'adresse à moi, ou que je dors. Ouais. Merci. Ça marche. Eh bien, écoute, on se fera une joie de te réveiller. Il est venu nu comme un verre, c'est Roulian. Voilà, genre tout va bien. Hein. Oui, tout va bien. Ma vie privée est palpitante. Et comme la vie du Racing. Public. Comme la vie du Racing, c'est palpitant en ce moment, n'est-ce pas? On en va en parler, c'est même plus que palpitant. Maintenant, c'est la séquence népotisme. Enfin, c'est la séquence népotisme. Est-ce qu'on a le droit de dire que ce sont les enfants de Marc Keller? Ils sont là. Oh, pardon, vas-y. Hein. Donc, Jean-Marc Darky. What the fuck? Et Jean-Luc Darky. I see a ship fort. Voilà. Donc vous imaginez bien que nous sommes pris en otage ici par la famille d'Arki. Ouais, je compte envoyer un petit doigt de Gigos toutes les deux heures. Donc, maniez-vous. Avant la vente de Habib Diarra. Tout à fait. Et je sais que tu n'aimes pas ça. Je t'ai entendu la dernière fois, mais il faut quand même qu'on félicite, qu'on rende hommage et qu'on paye les honneurs auxquels il a droit. Car sans lui, il n'y aurait pas de Radio Ch'tou. Il n'y aurait pas cette table, il n'y aurait pas ce studio. C'est notre guide, notre lumière au bout du tunnel. C'est évidemment Gigos. The lonely life that is touring. I've got an armful of decent tunes, mate. But it's all so fucking boring. Tied up in knots with a Z, you cunt. Black t-shirts and stay tossed. Knob is nuts, the rule of rough cuts. Magnifique, nous pouvons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Beaucoup de matchs, à commencer par un match qu'on a déjà chroniqué, hein, MR à Alex. Je confirme. Et c'est le match de Lyon. Et on avait bien sûr vu juste sur toute la ligne. Évidemment. Sans surprise. Super. C'est super. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus ? Non, je pense que... Encore un succès. Voilà. Encore un succès pour le Racing et pour Radio Ch'tou. Tout à fait. Succès conjugué. Jusqu'au firmament avec notre président. voilà. J'avoue. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était le meilleur match du Racing à la Méno cette année. Moi, ouais, c'était pas. Je suis en train de rechercher un peu des buts. Il y a eu des buts. Est-ce que vous vous rappelez du score déjà? 4-2. La première mi-temps était compliquée hein, de tête. Hein. Mmh. Bah, c'est tout 4-1 jusqu'à la 95e minute. Jusqu'au pénalty de l'ancien Messin. Voilà, on va dire comme ça. Mais globalement, c'était compliqué au début. Je pense la première demi-heure, waouh! On est super content de se sortir comme ça, quoi. Il n'y a pas un but annulé aussi par le VAR? Il y a au moins eu deux buts annulés, non? Ouais. Et après, en deuxième période, par contre, ça a déroulé. Ouais. Deuxième mi-temps. À Lyon, c'est aussi un peu effondré de manière inexplicable. Non, parce que derrière, ils l'ont refait pendant quelques matchs derrière, donc c'est juste inexplicable, c'est juste qu'ils ne sont pas bons. C'est vrai, aussi. On a aussi deux buts en deux minutes, non? Quelque chose comme ça? Ça, c'est début. Je demande à Jean-Luc, là. Ouais. Mais je pense qu'il y a deux buts en genre 2-3 minutes, enfin. Je crois que tu confonds avec Nice, non? C'est pas ouais, Nice. Je suis plus jeune que lui, moi je l'avais avant, mais bon, vas-y. La jeunesse. Non, moi je vois 55, 60. Bah oui, c'est 55, 60. 5. Ouais, bon, voilà. Précis. C'est comme la dette du Racing. À mon âge, 5 minutes ça en vaut 2. Hein. C'est comme la dette du Racing, 30 millions. 25% de 200. 80 millions là. Ça fait 5. Exactement. Ouais, Santos, puis Batroua. En effet. Et Batroua qui avait fait la passe décisive sur le but de Santos qui précède. Donc un gros match de Bakwa. Oui. Qui vient sur mon petit gazon. J'ai arrêté de jouer. Les mecs avec qui je jouais étaient pas fiables. Alors. Mais gros coup, parce que c'était un peu le match pour ce fameux match pour viser plus haut, celui que le Racing généralement rate toujours. Ouais. Et là on prend la main. Bon, il faut imaginer une espèce de 4 à la suite. Le rate toujours, je suis pas très d'accord parce que. Marseille vient à la Méno. Marseille vient à la Méno, ils perdent. Lille vient à la Méno qui croise dans nos zones, ils perdent. Lyon vient à la Méno, ils perdent. Plus tard, il y a peut-être le PSG qui vient, il se passe un truc. Ouais. On discutera après. Enfin, c'est une fois, ça arrive. Quatre fois de suite. Ouais, je même Montpellier, dernier qui vient à la Méno, perd. D'habitude, on lançait toujours un peu les équipes, machin, tout ça. Même pas cette année. Ouais, non, je veux dire, cette année, effectivement, ces matchs décisifs, ces matchs pour se mêler à la lutte du haut du classement, ont été remportés et remportés brillamment. Globalement, la Méno, à part la défaite contre Monaco, Méno, c'est devenu de nouveau très costaud. Et si on bat le PSG, on le saura plus tard, on sera premier sur l'année civile. Mais on ne sait pas encore. Ouais. En tout cas, il n'y a pas de contestation face à un Olympique lyonnais dont on apprendra plus tard qu'il est en pleine dérive, puisque a priori, il n'y a pas d'argent, il n'y a même plus de gens au secrétariat pour remplir les résultats des joueurs. On s'inscrit à la contestation, si, en tribune. Où ça? En tribune. Elle est pas sur le terrain, mais elle est en tribune. Pendant 15 minutes, il y a une contestation. Ouais, ah, il dit, il n'y a pas de contestation. Ah, si, il y a aussi un jeu d'Emega pour contestation dans le même match. Donc, il y a quand même ah, c'est vrai, Emega conteste. Donc il y a de la contestation. Et je pas. Ouais, j'avais pas compris la blague. Ouais, non, c'est pas grave. Sur ce match, quand même, de Lyon, donc, où on a vu qu'on a, on ne joue qu'en deuxième mi-temps, on a 1,1 expected goals. Pour 4 buts. Ouais, et Lyon a 2 expected goals pour 2 buts. Dont un pénalty donné, parce qu'il n'y a, ouais, pas, ouais, y a ouais. pas péno à la fin, il faut être honnête. Et la possession de balle, c'est 60% pour Lyon, 40% pour le Racing. C'est quand même. On est devenu, on est, enfin, on est équipe. C'est efficace. Ça. Voilà, on est équipe. Ça donne combien d'expected goals, un penalty? 0,9, 0, ah, bon. Un truc comme ça. Okay. C'est ça, hein? Ah bon? Je crois. Okay. Oui, s'il y a des gens qui ratent des penalties. Souvenons-nous, Emega. Et c'était l'année dernière. À Lyon. Ouais, je crois, ouais, il avait tiré avec son mauvais pied. Décidément, Lyon. Lyon, on parle beaucoup de Lyon. Ouais. Donc, pas de contestation. Le Chou l'avait annoncé. Exact. Tribune. Vas-y, je sais plus du tout ce qui se passe. Je me rappelle plus du tout ce match. Ouais. Et du coup. Rien de particulier, on bat Lyon, c'était prévu dans le plan. C'était un sous Bognanazi, c'est ta chaîne Caroline, ouais, je crois. Ouais. Et voilà, les détails. Ça surprendra, j'ai jamais acheté de Caroline. C'est pas Nice. Ah, c'est Nice. Je crois que c'est Nice. Ah merde, alors je sais plus. Donc il y a un sous Bog par match. Ouais. Avec un joueur de Racing, c'est acheté une carte. Incarola a 7 balles, hein, ou 6 balles. Hein, non, c'est pas possible. Ah, mais si, un truc incroyable. De l'eau, 6 euros. Ouais. Ouais. Pour 6 euros, le nombre de mètres cubes que tu peux acheter chez toi. Je sais bien. Ah, d'ailleurs, à ce propos, il faut savoir. Enfin, non, peut-être pas chez toi, parce que toi, tu vis dans un pays gorgé de soleil. Mais... Alors, c'est peut-être hors sujet, mais sur dans mon pays, on peut plus boire l'eau du robinet. Vous n'avez pas entendu à la radio si. Ils en ont parlé à la radio. Bon, bref, c'était pas le sujet. Il y a trop de gens qui ont chié dans l'eau ou... Non, il y a des gens qui ont. Des pompiers. Qui ont balancé des PFAS et on peut plus la boire jusqu'à la fin des temps. Ah, fini. C'est fini. Tu peux te laver ou pas? Parce que je me suis mis à l'opposé de la table, justement, ouais. Par mesure de précaution. J'ai arrêté, mais c'est pas pour ça. Mais oui, on peut se laver. Mais on peut pas faire son thé. Parce que l'eau bouillie n'enlève pas le. Bon, allez, on avance. Non. Excusez-moi. Est-ce qu'on a encore. Donc les tribunes à Lyon, il fait pas des choses spéciales? Non, rien de spécial. J'ai pas souvenir. Non, rien de spécial. Est-ce que les parcs. Est-ce que les Lyonnais ont su? Non, c'est des... Non. Les Lyonnais, ils suivent pas le mouvement de la multipropriété, ils connaissent pas. Bah non, ils sont pas absolument pas touchés. En plus, avec un John Textor, là, ils vont être bien, là. Ils vont être bien quand ils vont aller à la DNCG. Le mec, il va dire, ah non, mais écoute, tu devais vendre, là. Il avait promis 185 millions. Mais j'ai oublié de vendre ou j'ai pas vendu tout. Il va essayer de revendre une troisième fois l'équipe féminine. On va dire déjà fait, ça c'est déjà vu. Non, ils vont être vraiment bien. Et pas de qualif en Ligue des Champions, tout ça. Ils vont être bien. Et il y a même un monde où ils sont qualifiés dans aucune Coupe d'Europe. Il y a un monde possible. Il y a un monde où le Stade de Reims gagne la Coupe de France. Et où Lyon a le bec dans l'eau. Ouais. Ça existe. Enfin, c'est une des réalités parallèles qui peut avoir lieu. Ça paraît juste que c'est comme Botafogo joue la Coupe du Monde des clubs FIFA. Bah, ça rapporte du pognon au groupe et ça pourrait. Suffisamment ça rend... pour. Non, pas suffisamment, mais ça renfle un peu. Après, a priori, le plan, c'est de vendre tout l'effectif. Bah, faut bien vendre des actifs si tu veux récupérer du pognon. Ils sont propriétaires du stade, ces cons-là. Hein. Ouais. Ouais. Bah, tu vends le stade, tu le revends à la municipalité de Décines. Pardon. <C'est> ça. Alors, bon, sachant qu'en janvier, il avait déjà vendu un joueur de Botafogo au Zénith, ouais. Joueur dont le nom m'échappe, pour renflouer les caisses de Lyon. C'était ça l'idée. C'est là où on voit que la multipropriété, ça reste génial comme concept. Ça reste génial si t'es l'équipe d'en haut. Voilà, c'est ma grande théorie. T'es en haut, ça peut être bien. Quand c'est toi qui profites, ouais, j'ai l'impression des autres. Je suis désolé, j'ai l'impression qu'il y a un biais par rapport à la multipropriété dans cette émission. Et je voudrais qu'on rééquilibre. Donc justement, j'ai invité aujourd'hui... Non, bon, allez, vas-y, continue. Il est là, dans cet angle. Exactement. Non, mais la multipropriété, c'est surtout génial pour trafiquer les comptes. Oui. Pour t'arranger. C'est quand même un des premiers avantages, c'est de pouvoir faire des mouvements... un peu bidon pour embrouiller toutes les DCG du monde, je te pousse de l'argent là, j'ai l'argent là. Le deuxième truc, c'est de bouger les joueurs. En fait, multipropriété, c'est un espèce de risque. Alors, hein, ou un bon taux. Où tu gagnes tout le temps, et quand tu perds, tu jettes le truc et tu dis « Ah bah, je suis parti, c'est pas moi, Gérard Lopez, boum !» Voilà. D'ailleurs, ça se passe bien à Bordeaux. Magnifique. Magnifique. Ils vont pas monter. Ils sont à 17 points de la montée. Ils restent en CF. Non, ils étaient pas loin, mais ils ont perdu le match décisif contre Saint-Brieuc. Ah ouais, donc National 3, il reste en National 3. Non, ils sont en National 2. Ils sont en National 2. En CFA. Ex-CFA, et ils ont raté parce qu'ils ont joué. Mais bon, genre Saint-Brieuc, ils avaient gagné genre 9 ou 10 matchs dessus. En fait, ils avaient battu Saint-Malo, Saint-Malo qui était leader, avant de chuter contre Saint-Brieuc, qui était l'équipe qui était en pleine bourre. Et qui monte là, je crois qu'ils ont officialisé. Alors, tu gagnais contre tous ces saints, c'est impossible. Et ils se murmurent aussi que les joueurs savaient qu'ils seraient pas payés à la fin de la saison et que de toute façon ils pourraient pas monter à cause de la DNCG, c'est pour ça qu'ils auraient lâché. Tu parles du joueur Andy Carroll qui est venu pour le SMIC. Bah lui, je pense que c'est le seul qui joue, lui il s'en fout. Mais les autres joueurs, à un moment, ils ont appris pour un joueur. Il a signé au SMIC à Bordeaux. Ah ouais, j'avais. C'est ce qui se répète. Mais je croyais qu'ils étaient en National 3. Ils ont redémarré en National 3 et ils sont déjà montés. Non, National 2, ils ont réussi à s'accrocher. Les mecs me disaient, mais va en National 3, c'est plus simple, tu liquides la société, tu liquides tout. Et il a dit, non, je m'accroche. Mais là, maintenant, du coup, à la fin de saison, pas de montée, il a toujours pas de thunes. Il n'a jamais eu. Ah, oui, voilà. Et donc là, du coup, ça risque de. Ouais. La DNCG fédérale, donc celle de la FFF, ça risque de s'amuser. Après ce petit quart d'heure bordelais, ouais, tout à fait. On va passer au match. On va traiter assez rapidement. Ils sont là. Alors, tous les matchs que Racing Show avait plus ou moins pronostiqué, mais nous nous rendons à Reims par un joyeux dimanche. Oh, putain, c'était super, Reims. Magnifique ville. Hein. Ouais, on a très bien mangé. On a mangé avec Guillaume un T-bone chacun. C'était super. 400 grammes de T-bone. Ah, parce que ça, c'est du reportage d'investigation. Je vous rappelle, c'était le match spécial ambiance Argentine dans le marquage de Reims. Rappelez-vous, le Dalé Racing. Ouais, le Dalé Liam. C'était très très bon. Moi, je l'ai vu à la télé. Je dois le dire. Hein, Oh putain, c'est laquelle ça? Je l'ai pas vu. C'est la Doc 88. Ah oui, je vais terminer la ça. White Power. Doc 88, White Power. White Power. Oh, pardon. Excusez-moi. Les Médocs. Dis donc. Moi, je veux bien goûter ça. Super match. Rappelez-vous comme il a démarré sur les chapeaux de roue. Ouais. But de Riga, la première minute. Non 40 secondes ou 50 secondes. Oh, but de Doucouré sur corner. Doucouré sur corner. Fout de la champagne. Merci. J'étais pas loin. Eh bien, vous savez quoi? On vous spoil, c'était le seul but du match. Je vous le dis. Attends, ils ont marqué pendant la grève. Mais je suis sur autre chose, je vois ça. Ils ont marqué pendant la grève. Ils ont osé. Ouais. Comme quoi? Non, mais ça comptait. Bah, ils ont dit oui. Ils ont marqué pendant. Ce qui a compté, c'est la VAR aussi sur ce match-là. Oui. Ah ouais. On a eu un cul bord des nouilles, vous vous rappelez, sur les deux actions là? Oui, ils sont tous en là. Oh, mais c'est là aussi où Barco. Oui, à la dernière minute là. Ça, c'est la dernière minute, mais. Après. Et il y a eu une autre action avant qui était sur une frappe où le ballon arrive sur Sarr, qu'il arrête de la main, le ballon rebondit sur un Rémois qui la touche de la main. Et qui marque derrière. Et qui marque, et les mecs disent. Non mais la main de Sarr, elle est involontaire, on la compte pas. Par contre, du coup, la main du Rémois, comme il s'amène la balle pour marquer, ben, ça compte pas. C'est quand même... C'est fort de café, quoi. Ah ouais, mais bon, c'est ça. Non, il me faudrait la dénomination. C'est pas pour moi, c'est pour les RG. Voilà, merci. On a eu les Barco qui met un coup d'épaule sur Barco qui alors, à peu près. Moi, je voudrais... Je voudrais comme. Vas-y. T'as après, je voudrais tempérer le. Non, je voudrais tempérer le truc. Non, mais Marco joue à peu près tout sauf le ballon. Ah, ça oui. Mais. Ça, c'est juste... En Argentine, ça se siffle pas. Exactement. Mais le Rémois. Hein, c'est un japonais. Rajoute, c'est le japonais de Reims en rajoute. Ah, des japonais. Mais tous les Rémois sont japonais, ouais. Mais tous les japonais ne sont pas Rémois. Exactement. Alors moi, je voudrais quand même dire. Parce que bon, j'ai fait une analyse assez poussée. Hein, des expected goals. Exactement. Mais. On a 2.5 en expected goals. Sérieusement. Selon mon site référence, et seulement un but. Donc là. Là, on a tiré sur le poteau. Ah ouais, mais ça doit compter. Mais donc ça compte. Et Méga a tiré sur le poteau pour la 14e fois de la saison. Alors je vais te dire qui c'est de la team qui a fait le plus de expected goals. C'est Méga. C'est Méga. Dugarry. Le ballon d'or. C'est Petrovic. Alors, oui, à lui tout seul, c'est 1. Bah oui, il a tiré sur le poteau, je vous dis. Et vous étiez pas au match ou... Non, j'ai regardé la télé. J'ai regardé la télé aussi. Et Santo, c'est le suivant avec 0,5. C'était un match où on devait tous venir en maillot dans le parkage. J'ai sorti un maillot de Christian Bacilla. Ah ouais. Là. Bah, ouais. D'ailleurs, si vous connaissez Julian, vous doutez bien qu'il a pas pris un maillot de. Une Corentin Martins. Ouais, ouais. Et sur le terrain, et sur le terrain, il n'y avait pas Silla. Oh pas Silla, pas Silla, ouais. Non, c'est Silla, un homme qui a marqué un doublé au stade de la Mer. Oui. Pour le Racing. Je vous laisserai. Oh ouais, je vous laisserai vérifier sur Racing Stoum. Il a marqué un doublé sur la pelouse de la Méno pour le Racing. Enfin, un doublé contre pour le Racing. Contre Montpellier. Il a marqué un doublé, le mec, il avait quand même deux pieds. Ah ouais. Et le grand pied. Mais il faisait le grand pied emballé dans les. Les chaussures étaient emballées encore dans mais la c'est la cour qui a mis un doublé à 3, hein, sans jamais marquer. Et voilà. Donc en tout cas, c'était chouette après-midi, il faisait très beau. Match de merde, on gagnait 1-0, mais putain, ouais, c'est vraiment. C'était tiré par les cheveux. C'est une victoire tirée par les cheveux, quoi. Bon, c'est déjà fait les années auparavant, un peu volé à Reims, donc. Ouais, c'est un club de cons, hein. C'est bien de gagner là-bas, mais. Bah oui, leur président, oh là là. C'est Jean-Bierre. Oui, c'est Jean-Bierre. C'est Jean-Bierre. Jean-Bierre. Ouais. Mais avant, c'était John, le match d'avant. Ah ouais, ouais. Voilà. En parlant de club de cons, si on a fait un petit peu si on a fait le tour à Reims, victoire, tout va bien. On affronte Nice, et là, Nice, c'est un concurrent direct. Non pas pour le maintien, mais pour la Ligue des Champions. Et Nice, c'est aussi un bon club de mer, multipropriété, ouais. Tout ça. Enfin, ah, mais ouais. Eux, ils sont dans la phase. Plus vraiment. Ils sont dans la phase. J'étais numéro 1, et je deviens numéro 2. Ouais. Et là, du coup, ça pique plus au vol. Surtout, mettez-moi un peu de crème au bord de l'anus, s'il vous plaît. C'est surtout qu'en plus, ils n'ont le droit d'avoir aucun rapport, hein, avec leur actionnaire principal, vu qu'ils jouent dans la même Coupe d'Europe que Manchester United. Et qui se fait chier au stade. Hein. Il l'a quand même dit en interview, hein, en début d'année. Il a l'air très... Jean-Luc Ratcliffe. Ouais, oui, ouais. Il a dit qu'il vient pas... Le spécialiste de la chimie, hein, encore une fois. C'est les meilleurs. Mais il se barre, non, d'ailleurs, du truc. Alors, Reims... non, encore fou, pardon. Nice. Ouais. Nice serait en vente, parce que le club le fait chier, ouais. Ça pourrait peut-être intéresser... Alors qu'il est propriétaire de Nice, il n'est que actionnaire minoritaire à Manchester United. Ouais, ouais, bah, il est propriétaire du Servette aussi, c'est ça? Ou en Suisse, quelqu'un? Ah bon? Il a pris 25% à Manchester. Et ça lui a coûté genre 2 milliards pour 25%. Ça va coûter cher. Tu veux tout, la moitié de la Ligue 1, quoi. Ça veut dire que c'est valorisé à 8. Le PSG est valorisé à 4. Et je l'ai vu sur le jeton aujourd'hui. Ah, moi je l'ai vu ailleurs sur le jeton, mais ouais. Ouais. Ah, c'était son jeton. Ouais, c'était sur le jeton, t'as raison. Tiens, il nous a expliqué que ça valait. Qu'ils ont perdu 3 milliards, mais qu'ils sont valorisés 4. Donc ils ont gagné. Ils ont investi. Le jeton, bah oui. Arrête. Ils ont investi 3 milliards et du coup ça vaut. Exact. Tu connais rien. Tu vois, tu le vois le verre à moitié vide. Moi, ouais, ouais, non, mais oui. Et c'est pour ça que je suis pas. Mais du coup, Manchester vaut 8 milliards, donc le club il a pris un quart et il veut délester Nice qui fait gagner une bonne saison. Hein. Parce que, ok, ça joue super mal avec ce Frank Hale, mais les mecs, ils sont encore là au moment où on parle, on est à deux journées de la fin. Ils ont été quasiment toute la saison dans les 5 premiers. Ah, c'est, ouais, pareil, le dernier match, là, il bat Reims. Donc, le dernier match post-enregistrement qu'on est en train de faire, enfin, pré-enregistrement, il gagne 1-0 contre Reims, genre un but de merde de Morgan Sanson. Ils touchent pas une balle, ils ont. Enfin, mais ils gagnent les matchs. Et à la Méno, ils viennent, ils sortent avec un match nul. Attends, Jean-Jacques, un club qui gagnerait 1-0 avec un but de merde. Ça, c'est ce qu'on a fait à Reims. Et bah, le match suivant, on se fait un petit peu. Reims, ils sont tapés sur les doigts parce que. Nice, c'est pareil, quoi. On mérite de gagner le match, on le rejoue 10 fois, on le gagne 9 fois. Et ben la fois, on l'a pas gagné, c'était le match qui comptait. Et... Mais on joue aussi que la deuxième mi-temps. Ouais. T'as trouvé qu'on méritait de gagner ce match? Ouais, moi, pour le coup, moi, j'ai pas trop trouvé. Est-ce qu'il y a des expected goals? Il y a des expected goals, en effet. Alors d'abord, peut-être on rappelle aux gens que c'était 2-2. Voilà, exactement. Parce que je sais pas si les gens ont suivi. Hein. Avec un but à la 90 plus 4. Et tout à fait. D'un mec de Sekou Mara. Ah non, pas lui, pardon. C'est un gentil. Non, le mec qui marque se fait les croisés quand même au match d'après. Hein. Et Youssouf. Le nom de sa mère possible à dire. Ouais. Alors, expected goals du Racing 0.7. Ah. C'est pas vrai, donc 2 c'est bien payé quoi. Ouais. Après, c'est un peu un site de merde. Et Nice 1.7. Donc. Moi, j'y crois pas à tout ça. Je crois pas au expected goal. Alors, là je mange, donc c'est encore moins radiophonique, mais si on était une émission un peu technique, j'ai lu justement cette semaine tout un article pour expliquer comment réformer les expected goals pour qu'ils soient plus réalistes, qu'ils représentent plus ces choses. Mais j'ai complètement oublié les détails. Mais t'étais d'accord, hein, sur le coup, ça me paraissait pas con. D'accord. Mais on vous mais ce match il fait chier à 94e. Ouais. Mais c'est un peu l'ascenseur. On en parle de Sekoumara qui est au marquage du Niçois qui est sur le corner. Il rentre pour remplacer Méga, bon, qui a fait comme d'habitude des contrôles à 12 mètres, du Méga habituel. Mais son remplaçant, attitré, Sekoumara. Le mec, on lui demande pas grand chose, on lui demande juste qu'il reste 5 minutes, que tu viens, tu fais le nombre. 6 minutes, il doit juste retenir voilà. 6. Et le mec il vient et sur le corner il regarde le mec et il dit ah il est sympa le mec il monte en suspension oh il met la tête et on se fait en... vraiment celui-là il m'a laissé un goût amer dans la bouche quoi. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs de casting, il faut bien que l'erreur de casting soit une vraie erreur de casting qui s'impose comme étant une vraie erreur de casting effectivement ouais. Est-ce que Sekoumara peut être le Emega de la saison prochaine? Bah, comment ça pourrait être une question hein, moi je comprends pas son poste marrant. Bah, il est déjà... remplaçant. Bah, il est remplaçant de la vente. Non, mais c'est ça, mais est-ce que c'est un vrai. À côté des citrons. Est-ce que, en général, c'est jamais très bien parti. Hein. Les mecs, on sait pas trop s'ils sont neufs, s'ils sont neuf et demi, si. Mais en Angleterre, personne ne savait. Ouais, bah, ouais. Il vient d'où, ses camarades? De Bordeaux, initialement, il vient de Bordeaux, où il avait une hype parce qu'il a marqué genre 4-5 buts en une saison. Je me demande si c'est pas la saison de la descente de Bordeaux, enfin, catastrophique. Et les mecs, Southampton, ouais, comme toujours, quoi. Les mecs s'enflamment sur des jeunes joueurs, et il y a du potentiel, ils mettent des ronds dessus, et à Southampton, il met quoi? J'ai vu une saison, là, quand on l'a recruté, il a mis 2 buts mais en oui. Cup. Yeah. 2 buts en Cup, et 0 but en championnat, et il est venu à chier, il arrive chez nous, il a mis des buts en Coupe de France, 1 but en championnat. C'est un joueur de Cup? De mémoire, au Parc des Princes. Ouais, Paris, ouais. Au Parc des Princes. Et sinon, voilà. C'est... Mais le mec a quand même mis 7 buts à Bordeaux en 2 saisons. En 2 saisons, Il en a mis 8 à Southampton en 2 saisons. Un goal est impossible. Ouais, mais 600 cups. Donc le mec, et donc 3 à Strasbourg, hein. Ouais. Le mec en est à 15, il en est à 18 buts en quasiment 5 ans de carrière. C'est pas si tu mets au ratio de matchs joués, c'est pas si mal. Ouais. Comme quoi, Emega il paraît bien. Si tu compares avec Emega, c'est incroyable. Parce qu'entre ces 10 buts en Autriche, plus les 10 buts l'année dernière, plus les quoi, 16, non? Ouais, enfin je sais pas cette année. Pour corroborer tes dires, effectivement, il met 4 buts en championnat à Southampton. Un en première ligue il y a 2 saisons, et 3 en deuxième division. En tout cas, je pense que les gens sont ravis d'écouter la deuxième. C'est vraiment. Mais c'est pour vous dire que. J'ai pas les expected goals. Hein, c'est pour vous dire que Sekoumara, a priori, les mecs, ils se sont dit il y a du potentiel. Les chiffres annoncés au début disaient qu'il n'y avait pas de potentiel. Bon, pour une fois, les chiffres ont donné raison. Mais à la limite, je sais pas, je l'ai vu sur le Shkoum aussi passer, disant que, ouais, Sekoumara, ouais, c'est un échec pour l'instant du recrutement. Oh, mais c'est normal quand tu recrutes 10-12 mecs. C'est ça. Ouais. Quelque part, voilà, c'est juste chiant qu'il nous coûte 2 points contre Nice. Quoi. Mais sur le reste, que le mec soit pas au niveau, oui. On avait acheté un Serbe, je vous rappelle. Oh, oui, qu'est-ce qu'il devient? Bah, il est prêté au championnat des Pays-Bas. Chez les Dutch. Ouais. Et je sais pas s'il fait grand-chose, quelqu'un sait. Non, il fait pas grand-chose. Il a mis un but, je crois, en coupe aussi des Pays-Bas. La coupe des Pays-Bas, c'est quelque chose. Non, mais combien chez nous on a mis des buts en coupe des Pays-Bas? En tout cas, notre ami Mara a été jugé comme quoi c'était pas la peine de le prêter et que il pourrait peut-être il fait le backup de Méga. Il est fou de il le fait bien. Vous voyez, quand on voit ses statistiques, il est dans les temps, comme le petit Grégory. Tout à fait. Rivière. Mais vous voyez, c'est bien parce que j'avais l'impression que vous vous concentriez sur les mauvais recrutements. Et les gens vous l'auraient reproché ça, de ne parler que des choses négatives. Alors c'est un mauvais recrutement dans un mec qui est mauvais, dans un recrutement plus que réussi. Voilà. Et vous allez l'admettre maintenant. On parlera du banc un petit peu plus tard. D'accord. Quand j'aurai fini ma schéma à Brésil. D'accord. Donc on a autre chose à dire sur ce match? On va rappeler sur les matchs parce que là, on en est quasiment à la demi-heure de jeu. Oh, ça file. J'aurais acheté un petit sifflet là. Allez, bon, Nice, on s'est bien fait niquer. Ouais. Monaco. Allez, Monaco, il faisait beau, Roulia, Monaco? Il y avait un vent d'enculé. Je suis revenu malade, j'ai pris une bronchite à Monaco. Il y avait un vent de... Mais il faisait... Enfin, il pleuvait un peu avant le match, après il a fait beau. Bon, il y avait un stade. Alors, on m'a vendu un stade à guichet fermé. Soi-disant, ils ont distribué des invitations partout dans la région monégasque. Les gens. Ouais, il y avait un stade à peu près à moitié, un peu plus que la moitié rempli. Ce qui était pas si mal pour Monaco, mais on était loin du guichet fermé. Et un parcage de 600 Strasbourgeois. Alors que bon, il y avait. Il n'y avait pas 600 Strasbourg. Merde. Mais. Non, ça je pense pas non plus. On a vu un match de haute intensité. Ah bah là, je vois, ouais. Avec pas de but. Enfin, deux buts refusés par la VAR, un de chaque côté. Oui. Dont le dernier à 2 minutes de la fin qui a excité beaucoup les gens. Les gens pensaient, oh putain, on a fisté les mecs de Monaco. Là, j'avoue, j'ai bien cru. Moi aussi. Bah ouais, le but de Monaco, lui, était annulé à la 44e, donc à la fin de la première période aussi. Hein. 45 plus 3, moi aussi. Même, carrément. C'est ce que je vois après. Peut-être c'est faux. Bon, et à chaque fois pour un petit hors-jeu limite, mais qui était là. Faut dire, on est habitué maintenant. Mais c'est pas mieux, ça aurait pas été mieux de mettre les buts, que tout le monde soit content. Ouais. Voilà. Tu veux dire qu'un 1-1 satisfait les foules alors qu'un 0-0 les énerve. Surtout avec 5 minutes de attendre la VAR, tu comprends rien. Ouais. Ouais, puis on se faisait chier, et finalement, la plus grosse action, c'est l'espèce de le drame Rosenior Adolf Hitler, là. Voilà, c'est tout le plus fou du match, et encore, quand tu vois le truc. Tu t'attendais à une grosse baston, en fait. Ouais, parce qu'en fait, on l'a vu en direct, nous. Parce qu'on a Dazon, nous. Et c'est vachement bien, d'ailleurs, je vous conseille Dazon. Vous êtes les seuls de France. Hein. Abonnez-vous. La saison prochaine. Abonnez-vous à la saison prochaine. Moi, voilà. J'ai l'impression que ce truc. C'est vraiment bien, quoi. Enfin, je sais pas. Mais, ils sont mis d'accord avec la LFP cette semaine. Ils vont payer ce qu'ils doivent. Ils payent les 140 millions, donc là, ils payent 70 millions la semaine prochaine et les 70 millions fin mai, début juin. Et ils arrêtent de poursuivre la LFP en justice. Pour spectacle de merde, enfin, pour matériel de merde. C'était ça l'idée, non ? Ils reprochent à la Ligue que le foot s'est pourri en France. Ouais, d'avoir menti sur le produit. Mais ils pouvaient s'en rendre compte eux-mêmes, ils pouvaient regarder les matchs toutes les saisons d'avant, se jouer par c'est pas ça, c'est ils disaient que les clubs de foot ne donnaient pas accès aux vestiaires, aux joueurs, faire des interviews, enfin faire du contenu. Mais j'avais l'impression qu'on vivait à des interviews des mégas. Je veux dire, le moindre. Ça, c'est les réseaux sociaux. Le moindre passion d'homme. Non, ça, c'est les réseaux sociaux du Racing. C'est la com du Racing. C'est pas les trucs de Dazon. D'accord. Bon, bref, on s'en fout. J'aurais dit que tout ce qui s'est passé dans ce match, ce serait. Cet accrochage Adolf Hitler contre Liam Il aurait snobé Liam Rosenior. Alors, moi je pose une question. Et toi, tu as vu les images? J'ai vu les images et je pose la question d'abord. On aurait dû faire un titre là, pour cette section. Rosenior. Comment dire? Rosenior. Ah oui. Ah oui, attends, il faut que je ramène des verres pour la main. Bah voilà, des verres à champagne. Rosenior dit à Hitler, ramène des verres à main. Exactement. Rosenior, honneur bafoué ou énorme melon? Par exemple, on aurait pu faire une rubrique. Il est proche du peuple. Qu'est-ce qu'on a rendu, Rosenior? Il est proche du peuple. Prends photo avec les gens, etc. Ah, ok. Et bien, a priori, il lui a déjà fait le coup à l'aller. C'est aussi ça, le problème. Mais il a fait coup de quoi? En fait, le truc, c'est que je comprends. J'ai pas compris le drame. À la fin du match, tu serres la main de l'autre entraîneur et tu le regardes dans les yeux et tu lui dis bisous, good game. Ah, good game. Ah, c'est le crunch, quoi. Ouais, d'accord. Et là, rouge. Parfait. Et c'est mal. Les gens qui ont des principes, monsieur Darton. Même pas. Je suis assez d'accord. Si les gens avaient un peu plus de principes dans cette émission, on n'en serait pas à 35 minutes où on n'a pas fait une analyse pertinente. Si, on a fait les expected goals, on a lu 2-3 sites internet en direct. Ça me paraît de la cabine d'émission de football. Quelqu'un veut du Primitivo di Puglia? Il y a un petit peu des verres partout. Ouais, bah moi j'ai tout fait au compte. Bon, Monaco, un 0-0, on va dire. Ouais, il n'y a rien à raconter. On s'en fait chier comme des rapports. C'est le foot, quoi. Mais c'est bien, quoi. C'est le foot. Est-ce que toi, tu fais partie de l'équipe qui a réussi à sortir du parking ou pas? Évidemment. Et en plus, j'ai pas payé le parking. Est-ce que je peux donner un tips à nos auditeurs de radio? Une astuce. Qui vont à Monaco. Le tips. C'est tu vas à Monaco, donc déjà, gare-toi dans le parking sous le stade. Il y a un parking. Viens relativement tôt, tu te gares dans le parking. Donc tu prends un ticket, tu gares dans le parking. à la fin du match, pour faciliter le départ des gens, ils ouvrent les barrières et disent aux gens, mais barrez-vous. Donc du coup, tu te barres. Ouais. Et donc du coup, tu payes pas le parc. Ça, c'est mal. À l'inverse, tu viens genre 2 heures avant le match, tu vas dans le même parking, parce qu'il y a toujours de la place, hein, c'est Monaco. La barrière est fermée, on dit, ouais, là, il y a le forfait match. Donc tu payes 6 balles, la grille, on te donne un petit son, la grille s'ouvre, tu te gares. À la fin du match, tu pars comme tout le monde avec la grille ouverte. Comme la, tous les autres qui... La grille ouverte. Donc viens un peu plus tôt, profite des charmes de Monaco, va visiter le rocher, sur les genoux de Stéphanie de Monaco, tout ça. Et, voilà. Et là, tu économises 6 euros de parking. Et tu ne payes rien. Et voilà. Avec ta Corsa, ta Opel Corsa. Hein, parce qu'évidemment, toi, tu as une Opel Corsa, tu n'as pas les grosses voitures qui circulent. Du coup, voilà. Tu la trouves plus facilement, parce qu'il n'y a que des Maserati. Les mecs, ah, c'est laquelle, la Maserati, la nôtre? Évidemment. Ah oui, ben... Ouais, bah merci pour ce conseil pratique. Hein. Ouais. Alors peut-être la prochaine fois, la recette des lasagnes, la mozzarella. On verra. Elle était bonne. Il est pas mal d'ailleurs. Hein. J'ai pas de verre. Mais c'est pas grave. Sans transition, la prochaine édition, on reçoit Saint-Étienne. Et là, ah, c'est incroyable. Moi-même, le premier, j'ai dit attention. Saint-Étienne vient de remporter le derby. Un match formidable. Oui. Hein, interrompu pendant 40 minutes. 40 minutes, parfait. Le temps que les lasagnes cuisent. Voilà, le temps que les lasagnes cuisent. Et on est peut-être l'équipe qui va relancer Saint-Étienne dans la course au maintien. Qui sait. On est le truc. Et alors, je n'étais pas à ce match pour des raisons personnelles. Alors, je fais amende honorable. Ouais, non, mais... Donc je vous laisse le commenter. Et moi, je vais me chercher un verre de rouge. De verre. Bah, un verre en verre. Ouais. Bah, moi j'y étais. Ouais. alors déjà de mémoire, hein, je suis pas, d'accord. De mémoire, je tente. 3-1. Ouais. C'est ça. Ok. Sans l'affiche. Alors, maintenant j'ouvre l'affiche. Non, écoutez, je me souviens. Mais là par contre, c'était un Subok Nanasi. Oui. Ah non, c'était Nice. Attends. C'était Nice. C'est Sarr. C'est compliqué. Sarr. Ouais, ouais, ouais. Sarr. Oh, qu'on a vu ce matin. Oui. Oui, bon, c'est un autre sujet. Bon, alors, le match Saint-Étienne. On a marqué très rapidement, ouais, là, sur... Pendant la grève. Hein. Ouais, ouais, pendant la grève. Ils sont nuls à chier. Bah, ils sont bien. C'est le nombre de contrôles ratés. Et en fait, la différence sur ce match, dans mes souvenirs, mais ils sont vagues, hein. C'est qu'on n'était pas très bon non plus, mais qu'on en ratait un chouïa moins qu'eux. Ouais. J'ai l'impression, ouais, je dirais. T'étais là, toi? Vous étiez là, vous? Moi, j'étais là et j'ai vu tous les matchs, moi. Ah, bah oui, alors. C'était pour. Il me semble qu'il y avait beaucoup, beaucoup de déchets dans ce match. Non, mais surtout, on ouvre le score, on se dit putain, on est bien, relativement tôt, et après, on laisse le mec de. Le Géorgien, je ne le connais pas. Ouais, les Géorgiens. Pas d'Arbien Chimini, quelque chose. Ouais, bah, il passe en revue toute la défense. Zucchero d'arrache-pied. Ouais, c'est ça, c'est Zurico, Zucchero. Oh purée, Davina. C'est Zurico Davina, comme dans. Comme Véronique avec. Véronique. Comme Véronique et Davina, c'est Zurico Davina Jvili. Bah, en tout cas, retenez son nom parce qu'il ne restera pas à Saint-Etienne l'année prochaine, je vous l'annonce. Il a remarqué un but de mutant ce week-end. Il passe en revue, mais toute la défense de Strasbourg. Il les prend tous. Il fait genre 3 feintes de frappe. Sur chaque feinte de frappe, il y a un défenseur qui tombe sur les fesses. Et il bat Pretorich. Et du coup, ça fait 1-1. Saint-Etienne a une très belle attaque. Hein. Ils en parleront. Ouais, c'est le reste, quoi, effectivement, ouais. La défense. Hein. Et le gardien. Et le milieu. Et même le milieu. C'est là qu'il y avait des déchets de dingue. Ils ont eu des moments où ils pouvaient repartir. C'est vrai que t'as l'impression que c'est les jeux de foot à la Play à l'époque où t'achetais, ouais, que des attaquants et tu t'en as rien. Tout à fait. Et tu te mettais en mode Adidas full out attack. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que c'est la Ligue 1 McDonald's avec défense. Probablement leur coûter leur place en Ligue 1. Bon, on peut peut-être quand même parler du but de Moreira, le premier à l'ouverture du score. Ouais. C'est un externe de l'enfer. Ouais. C'était de l'autre côté, alors c'était un peu plus dur à voir. Mais... Non, c'était devant. C'est contre Nice. Oui, c'est je suis en tribune famille, je faisais du tambour. Oh, je faisais du tambour en tribune famille, bon. Et ouais, il met un externe un peu à la Quaresma, à la Quaresma, je peux demander. On n'est pas motivé ce soir, excusez-moi, il faudrait peut-être faire un temps mort. Hein. Les mecs, On n'est pas sur, on est pas sur le. On coupe l'émission. Ouais. Et là, on prend un peu de coke. Je sais pas ce qui se passe, mais. Non, dis pas. Faut y aller là. Donc, on prend du Gatorade. On prend du Gatorade, exactement. Et du coup, voilà, ça, c'est ce but qui était quand même vraiment bien construit. Et après, en fin de match, on enchaîne avec c'est de nouveau Emega qui met un but. Pareil avec une passe de Morera qui lui met une passe super, il n'y a plus qu'à la pousser dans le but. Et le dernier but, c'est Bakwa sur la volée. C'est Bakwa sur la volée là. Sympa quand même. Non mais ça. Ouais, mais c'est le genre de match où, bizarrement, là encore une fois, c'est pas l'ADN du club. Tu joues contre une équipe qui se bat pour pas redescendre et globalement tu gagnes sans grosse souffrance quoi. Après Saint-Etienne, l'une ou l'autre occasion en début de chaque mi-temps. Notamment au début de la deuxième, où il y a une grosse occasion, si ça fait 2-1 pour Saint-Etienne. Ouais. Je sais pas comment ça finit. Mais bon. Pour une équipe qui serait, qui a la réaction, genre une équipe qui baisse pas les bras, on pourra en parler après. On torche encore vite le dernier match. Bon, ouais. On joue une équipe qui est déjà reléguée. Ouais, bon, les mecs, ils ont un match. Ils ont lâché, Ils ont un match de Coupe de Crédit Mutuel la semaine prochaine, donc forcément, ils ont mis les remplaçants. C'est ça. Bon alors est-ce que cette victoire est si évidente que ça face au PSG? Parce qu'on a toujours tendance à refaire le match à la fin après connaître le résultat et truc. Le premier quart d'heure, on en prend plein la gueule quand même. Mmh. Deuxième quart d'heure aussi. Après juste une chose, hein, le PSG c'est une très belle équipe, hein, même l'équipe B. Je pense que ça fait top 3 de Ligue 1 sans souci. Comme le Racing. Ouais. Mais même l'équipe de Chelsea fait top 3 du. Oui. Tout ça, au moins. Mais il y a cette ouverture du score CSC, Sarr. Moi, j'ai rien. Je vois rien, là. Il était nouveau entré d'une famille. Et j'étais au tambour et avec JP l'Arki de Lange, j'ai rien vu. Mais ça fait un peu parce que c'est un peu notre première occasion. Pas trop, il y a peut-être eu un petit truc avant, mais il n'y a pas de vraies occasions avant l'ouverture du score. Bah, on n'avait pas Hernandez qui nous aidait quand même avant. On avait du mal à trouver la clé. Et moi, j'étais sur le coup à ce moment-là. Non, écoutez, je ne sais pas. Moi, je voyais rien, n'importe quoi. Pour moi, c'est tellement beau de battre le PSG. Pour moi, c'est vraiment tellement un accomplissement de Blouko. Hein, parce que je vous rappelle que sans Blouko, on n'aurait pas eu les trois quarts de ces joueurs. Peut-être on serait à la place de Montpellier. On serait à la place de Montpellier. Joue le PSG. Exactement. Arrête tes conneries et donne-nous les expected goals. Ouais, alors. 0-8 pour le Racing Club de Strasbourg. J'ai pas la même stat. Et 1-7 pour le Paris Saint-Germain. J'ai à peu près la même stat. T'as combien pour le Racing Club de Strasbourg? 0-73. Oh merde! Et 1-73. Mais c'est complètement différent! Motherfucker! Ok, et donc. Et grosses occasions, 2 pour Strasbourg, 3 pour. Ah oui, il y a cette stat, grosses occasions. Comment ils appellent ça ici? Grosses occasions! Ah, j'ai 12 touches pour Strasbourg. Qu'est-ce que t'as quand même touche, toi? J'ai les tacles. Ah, j'ai les tacles aussi. Attention. On le dit en même temps. 1, 2, Strasbourg, 20. Oh, c'est dingue. Et PSG? Attends. Ok. 1, 2, 3, 14. Oh putain, on est raccord. Effectivement, tout le monde se bat sur les mêmes statistiques. Donc, c'est vrai. Donc, une victoire pas si évidente. Oh, mais, ouais, bon. Mais abnégation, courage. Le deuxième but du Racing, quand même, il y a magnifique. Kangmi qui est blessé. Et le cas est de son côté, hein, quand même. Diarra, il arrive à passer au moment où l'autre n'arrive pas à revenir. Ouais, mais il y a la patate de Félix. Ça, c'est Rosenior, c'est le Rosenior Ball, ça. Ouais. C'est l'expérience. Rosenior a dit un truc très vrai dans les DNA ce matin. Il dit toujours, ouais. Il a dit, quand l'équipe gagne, on dit que l'entraîneur est génial, et quand l'équipe perd, on dit que l'entraîneur est stupide. Mais en fait, c'est les joueurs qui jouent. Ouais. Et ça, c'est vrai. Parce qu'on pourra parler de l'entraînement. Moi, j'ai vu ce que Rosenior fait à l'entraînement. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le football. On pourra en parler. C'est des Lego. Pardon ? Ils font des Legos. Non, c'était lui qui faisait ça. Mais oui, il y a des gens se sont moqués de lui. Oh les cons. Il fait une activité Bob le bricoleur. On n'est pas loin. Je vous raconterai ça après dans. Construire le stade en fait. Ouais, c'est presque ça. Mais je voulais vous dire un truc. Et ben j'ai oublié, ça c'est le problème de... Tu sais, quand on a trop de trucs dans... Hein, pense... C'est pas grave, donc sur ce match du PSG... c'est une petite question. Est-ce qu'il n'y a pas de question? Il n'y a pas de question Non, sur les matchs, non. Il y a des questions. Il y a une question sur les prochains matchs. Alors, en ouverture, moi j'ai une question pas militaire, hein, une question de toi. Personnelle. Voilà. Personnelle. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance du match aussi? Parce que ça, tout le monde, autant le foot, on n'y connaît rien, autant l'ambiance, tout le monde y était, presque. Et. J'ai trouvé que c'était mieux qu'en Paris, mais alors à la fin, il y a toujours le stress. Ouais. Donc, je pense que ça... Bonne en première, ouais. tendue une grosse partie de la seconde période, et les dernières minutes assez folles. Il faudrait faire un sondage. Ouais. Ah, un sondage sur HTube peut-être. Parce qu'il paraît que c'est les mêmes mecs qui font les sondages sur HTube qui ont écrit la Torah. Ouais. Ok. Shabbat shalom. Voilà, j'ai pas vu venir. Moi non plus. Je voudrais leur demander. Entre l'IPA 88 White Power et la Torah, on est au top. Bref. Voilà. Donc, alors, une ambiance un peu spéciale. Très bonne, mais il y a peut-être le stress alors. C'est peut-être ça. C'est la deuxième mi-temps, avec le but cueilli à froid là par Barcola. Est-ce que c'était les mêmes spectateurs que d'habitude? Parce que c'est aussi souvent ça qui fait la différence avec les matchs du PSG. Est-ce que il n'y avait pas tout un tas de touristes qui étaient plus touristes que les touristes qui étaient là, mais enfin, on a pas le droit de dire que c'est des touristes. Il y avait Ross 3. Tu classifies les gens? Sûrement pas. Il n'a assisté qu'à des victoires, hein, Ross 3, quand il est venu cette saison. Est-ce qu'il vient contre le Havre? On va voir avec lui. Ça va être le dernier gros match de la saison. Dernier match de la saison tout court, mais dernier gros match de la saison. Ah si, il y a une question là. Il y a une question sur le match du PSG. Ah ben, ah, on prend. Alors de Ajax.fan. Oui. Sur le site https://www.racingstube.com qui demande le 6 mai à 7h53 ce matin. Combien de kilos de... Et vous allez voir, on va bien rigoler. Combien de kilos de knack ont été donnés à Henrique pour qu'il mette son équipe de CFA, alors on dit National 2, contre nous? Bah, Ajax Fabien. Vu son épaisseur, à mon avis, pas beaucoup. Hein. Il n'en mange pas beaucoup, des knacks. Hein. Et fait du vélo. Alors, est-ce que... Alors, en creux, je sais, je connais Ajax. Ah, c'est vrai qu'il va à l'entraînement à vélo, c'est ça, j'ai vu. Henrique? Oui. Henrique, ouais. Ah ouais. Oui, en vélo. Ouais, en vélo. Henrique. Mais je pense que Ajax.fan qu'on connaît, hein, de Racing Stube depuis longtemps. De réputation. De réputation aussi. Enfin, je crois que j'ai déjà vu une fois. Moi, je connais pas personnellement, mais on sait que, voilà, en creux, la question c'est, est-ce que le PSG faut ce championnat? Alors ça, c'est ce que les gens de la communauté des supporters lyonnais a hurlé à la mort. Et marseillais. Ouais, surtout les lyonnais, le soir du match et le lendemain du match. Bizarrement, le dimanche soir. Non. La même communauté était à faune, avait perdu son forfait internet, et voilà. Mais voilà, quand t'es en tête du championnat, que t'as un match plus important à jouer derrière, faudrait vraiment être con pour mettre ton équipe type et risquer une blessure ou une enfin, je sais pas. Hein. Est-ce que Montpellier fausse pas le championnat en étant à faune? Et moi, c'est pas de la faute de Paris si Marseille, Lyon, Nice et puis Monaco n'ont pas été capables de gagner plus de matchs que ça. Moi, je trouve bizarre dans le championnat cette année. La seule chose que je trouve bizarre, c'est pas cette lutte qui est hyper intéressante, hein, pour la deuxième place. Mais je pense que le premier et le deuxième, c'est quelque chose qui aurait dû être réglé depuis très longtemps. Oui. Et qu'il y a potentiellement une bataille pour la 3-4e place. Ok, voilà. Mais là, en fait. On n'a aucun deuxième, en fait. On a le PSG, et puis derrière, on a une meute de 5-6 équipes qui sont tous... Parce que nous, OK, on fait une très bonne deuxième partie 2025, mais la première partie 2024, excusez-moi, c'était quand même pas de très... C'est-à-dire que là, maintenant, à deux matchs de la fin, on est quoi, à un ou deux points de la deuxième place, enfin, c'est quand même pas normal. Même si on fait une bonne deuxième partie de saison, c'est juste pas... Mais le Racing est premier. On est premier, voilà. Le Racing est premier. Voilà, mais c'est quand même pas normal... On a pris 40 points en 2025, j'ai vu ça. J'ai vu passer ça. 40 points sur les 50. 6, 4. 4. 6. On a fait une unité. Voilà. Bref. Trop on a pris une très grosse majorité de points sur cette deuxième partie de saison. Ça veut bien dire que la première partie de saison, elle s'est quand même nulle à chier, quoi. Oui, complètement. Et malgré tout, on a été très moyenne. Ouais. Voire médiocre. Passable. Moyenasse. Bien, mais pas top. Ouais, bien, mais pas top. Ouais. Mais pour revenir, non, c'est plus que ça. Pour revenir à la question du PSG, qu'il faut changer. On était dixième, non? Pour revenir à la question du PSG, Strasbourg a 53 points. On a pris 40. Excuse-moi, on en a pris 40 en 2025. Ça veut dire qu'on en a pris que 13. Ça fait peu 13 quand même en 2024. Non, mais 13, on a commencé en août, les mecs. Et 2024, ça finit le 31 décembre. Il y avait une a priori. Cette année. Uniquement cette année, tu as raison. Mais ce que je veux dire, c'est juste, moi je voulais juste. Ça veut quand même dire qu'on a fait une bonne partie de 2025. Oui, 12, 13, 14 matchs en défaite, j'ai oublié le truc. Et c'est-à-dire qu'on se mêle à la deuxième place. Parce que là, je regarde, on est très exactement. Je regarde les points. On est à 2 points. La deuxième, c'est pas possible. C'est fou. Ouais, non, c'est pas... C'est-à-dire que les mecs ont traîné. C'est-à-dire que Marseille, qui est deuxième, a perdu combien de matchs? Trop. 7. Trop. 9. C'est pas possible. Tu peux faire 9 matchs et être deuxième du championnat. 9 matchs, c'est quasiment un tiers du championnat. Tu crois qu'il faudrait poser la réclamation ou... Non, mais le troisième Monaco, combien de matchs perdus? 8. Le quatrième Nice, 7. Le cinquième Lille, 7. Strasbourg, 7. Les mecs, ils se battent pour la deuxième place. C'est-à-dire qu'en fait, ils perdent. Alors, pas un tiers du championnat, mais 7, 14, 21, 28. Allez, un cinquième. Ouais. Un cinquième du championnat, ils perdent les matchs. Ça n'existe pas, ça. Dans aucun autre championnat. Marseille, il n'y a pas de Coupe d'Europe en plus cette année. Ouais. Bah, tu sais pour y aller et faire ça. Oui. On s'en parle. Mais ce que je veux dire, c'est que Lyon, 10 matchs perdus. Ils sont encore peut-être en qualif potentiel. Oh, 10 matchs, on a joué 32. Ah oui, non, mais. Donc c'est ça, il faut en fait, c'est pas le PSG. Alors le PSG évidemment se balade, c'est juste que les mecs derrière le PSG, putain, c'est pas normal. Ces mecs là PSG, OK, 2 défaites, c'est les 2 dernières, mais normalement tu dois avoir des équipes à 3, 4, 5 défaites. C'est ça que tu dois avoir en Coupe d'Europe, quoi. Là, des équipes en Coupe d'Europe, genre Strasbourg, qui vont se pointer avec 7 défaites, c'est quand même pas normal. Excusez-moi, c'est pas normal. Complètement. Et en fait le... Et j'ai envie de dire, non. C'est pas normal. Et ça, Ludo, c'est pas normal. Et ceci, et donc le PSG simplement a gagné le droit en défonçant tout le monde avant. De n'avoir rien à foutre. Ils n'ont pas de compte à rendre aux gens. Exactement. Et ils jouent sur la gueule des gens. D'ailleurs. Et je n'aime pas cette équipe, évidemment. Mais vraiment, je trouve que l'accusation est stupide. Voilà. Ouais. Donc la réponse était 42. 42, oui, bien sûr. Aussi. 42 kilos tout ça. 42, c'est la réponse. Tout à fait. Ou alors sont sur le site. Évidemment, ça, c'est sur le site cherché. Et alors, on a enfin fini avec les matchs, et en seulement 50 minutes, c'est pas mal. Et on peut. Alors là, non, ça, c'est les trucs de la dernière. Promotion sur les maillots de. Ah, bah d'accord. Alors, c'est pas un peu le temps de parler de Coupe d'Europe. C'est la fête de l'Europe. C'est la fête de l'Europe. Strasbourg, capitale européenne. Ouais. Et de Noël. On se rappelle les UB90, avant d'être des vilains grévistes dopés à la merguez, avaient fait un tifo. Strasbourg, Paris, capitale de la France, Strasbourg, capitale de l'Europe. Mmh. Oui, de 95, je dirais, quelque chose comme ça. Visionnaire. Visionnaire. Avec une tour Eiffel et une cathédrale de Strasbourg. Waouh. Et les drapeaux, je pense. C'est mieux qu'une tour de Pise dans le contexte. Et Big Ben. Même si la tour Eiffel ressemblait plus à un Derrick qu'à une tour Eiffel. Pise qui remonte en Serie A. Hein. Ah oui, oui. Ah oui, c'est officiel, ça a été validé. C'est officiel. Et qui est l'entraîneur de Pise? Un champion du monde, hein, quand même. C'est vrai? Franck Leboeuf. Un champion du monde italien, peut-être. Italien, oui, tout à fait. Franck Leboeuf. Pippo Inzaghi. Ah, Pippo. J'ai vu jouer à Pise cette. Je veux pas balancer, mais je sais qu'il y a des Strasbourgeois qui étaient présents à ce match. Ouais, on donnera pas les noms. Mais. Non, mais c'est pas celui-là. Mais moi, j'étais. Beaucoup de joueurs étaient présents à ce match. Ah ouais. Gros match. Ok. Mais c'était pas le match de la honte qu'ils ont fait. Mais c'est pareil. Là, ils ont joué à Paris aussi. À Paris. De triste mémoire. Jean-Béard, on part à Paris. Ah, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Pour le football français. Pour le football français. Voilà, alors. Ouais, c'est super. Alors, Coupe d'Europe. Alors là, on peut décemment annoncer que Radio Choub a dit depuis le début qu'on jouerait la Coupe d'Europe. Ah oui. Mais laquelle? On l'avait pas dit parce qu'on voulait garder le suspense. Mais on le savait. On le sait. C'est pas qu'on le savait, on sait. C'est pas si on peut le dire. Ouais. Moi, je crois qu'on parle, on a pas le droit. On a pas le droit. Les gens sont pas prêts. Non, ils sont pas prêts. Parce que maintenant, si on leur dit, on va jouer cette Coupe d'Europe, on va dire, ah non, pas du tout. Comment on fait? Et on sait pas, mais on sait. Et alors, on va faire ça et ça contre Angers et le Havre. C'est écrit. C'est le plan. Bah oui, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est du foot? Enfin, c'est du sport. Ah non, pas du tout, c'est écrit. C'est des mecs, c'est les mêmes mecs qui ont écrit le. Sévérance. Ah ouais. Ouais, c'est les mêmes. Putain, t'imagines, on rentrerait à Radio Stube et on oublierait tout ce qu'on fait dehors. Mais attends, on fait presque ça. on rentre à Radio Stoub et on n'a aucune idée des matchs dont on parle. C'est quand même à peu près ça. Voilà, alors, je tire l'information. Ouais. Donc on est en Coupe d'Europe, là je viens de vous le dire, je répète. Ah. Mais on est en Coupe d'Europe. D'accord. Laquelle ? Je sais pas, mais... Et on la meilleure, ça serait l'Europa League. Alors, je ne sais pas ce que tout le monde pense. Mais si, parce que la meilleure en Europa League, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des matchs de qualification éventuellement en août, avec le stade en travaux, et donc on irait jouer des matchs à l'extérieur. Parce que si on finit quatrième... C'est ça. On n'est pas directement qualifié pour jouer en septembre. A priori, si on est quatrième, c'est le scénario sur lequel le... Non, cinquième, pardon. Cinquième, c'est là où le club bosse pour trouver un autre stade. Parce que selon la... Alors, non, attends, pardon. Je reformule. Si on est quatrième... C'est la tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ouais. Et du coup, les tickets pour tour préliminaire tour début août. La tribune étant livrée fin août, t'es obligé de jouer tes tours préliminaires dans un autre stade. Sachant qu'il y en aurait deux, des tours préliminaires. Ouais. Par contre, si t'es cinquième, t'es en Europa League, tu joues pas les tours préliminaires, donc tu joues que fin août ou début septembre, ou je sais pas quand. Et là, du coup, la tribune elle est finie. Yalla, problème. Les vacances sont finies, c'est pas mal. Retour à l'école, le petit con. Voilà. Donc du coup, l'Europa League, c'est celle qui nous pose le moins de problèmes. Parce que qui dit tour, parce que deuxième ou troisième place, ça risque quand même d'être un peu chaud patate, à moins d'un effondrement des autres équipes devant nous. Du coup, ce qui est pas impossible. Hein, ouais. Par contre, la quatrième, elle est on pourrait potentiellement la viser. Et là, celle-là, elle serait pas arrangeante parce que jouer tes tours préliminaires contre, je sais pas moi, Vidéoton, par exemple, ou Rovaniemi en Finlande. Non, ils n'auraient jamais passé les tours. Non. Mais voilà. Lille avait eu qui l'an Slavia Prague, hein, c'est ça. Et ouais, Fenerbahçe. Slavia Prague, c'est pas gagné, hein, le jour de match. Fenerbahçe encore moins. Un Autrichien. Mais du coup, les jouer dans un stade français autre ou un stade étranger autre, parce que tout le monde a une rumeur qui circule comme quoi les clubs français ne peuvent pas. C'est interdit. Non, il y a déjà eu des antécédents. Il faut demander à l'UEFA une dérogation et ça serait éventuellement jouable. Et en tout cas, le club ne se ferme aucune porte a priori sur jouer. C'est quand même ballot de se qualifier en Coupe d'Europe et de ne pas jouer les preuves ou potentiellement tu peux te faire éliminer comme une grosse merde. Dire que son confrère dernière expérience en Coupe d'Europe à Francfort. Bah oui. Mais si le Racing finit quatrième, il jouera une Coupe d'Europe. Parce que s'il perd en troisième tour, il sera reversé qu'un petit barrage à la fin. On est reversé direct. J'aurais dit que la France étant bien classée. C'est les vases communicants. C'est la théorie des vases communicants. Mais même au niveau du nombre de matchs après qu'on joue, est-ce que l'Europa League, c'est pas mieux en fait ? Par rapport à notre niveau, notre. Notre niveau, c'est la Conférence League, alors, si tu veux. Ouais. Alors, Conférence League, ce qui est sympa, c'est que tu vas encore plus loin. Parce que c'est pas celle où il y a des pays qui sont même pas d'Europe. Ah, le Haut-Karabakh, déjà. Alors, j'ai des plans, hein, si jamais, au Karabakh. Prends une émission spéciale. Tu prends l'Europa League ? C'est pas l'Europa League ? Le Haut-Karabakh ? Ouais. Si, je crois. Si. Ah ils bon ont joué contre United, je crois, cette saison. Lyon, ils étaient en Europa ? Ouais. Bah, alors, c'est en Europa. Ah ouais, c'est merde. Bon, bref, c'est Chelsea qui. Enfin, les frérots, okay. Les vrais frérots, frérots qui nous ont aidés l'autre fois. Enfin... Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est... Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on veut comme Coupe d'Europe ? Moi, je prends tout. Hein, ouais, voilà, c'est ça, on prend tout. Alors maintenant, je vais vous poser une question minitel sur le sujet. Alors, ça vient d'un réseau social. Je sais pas si vous connaissez un petit peu les. C'est du réseau social. Ouais, c'est des endroits normalement où on sociabilise. On parle, on échange, on discute dans le respect et dans l'écoute. Et donc sur Twitter, qui s'appelle désormais X, ST Sébastien, @S majuscule, T majuscule, Seb 67, nous demande, joli prénom, après avoir tutoyé la zone Ligue des Champions, et possiblement l'avoir s'échappé pour un point, voire une différence de but défavorable, serait-on déçu de ne décrocher qu'une Europa ou Conference League ? Ça dépend si on la vous voit. Parce que si on la tutoie, si on la vous voit, ça passera peut-être. Alors, c'est bon, ST767, on a répondu. Bah, j'imagine. Moi, ça ne me décevrait pas. Ouais, moi non plus. Moi non plus. Parce que je pense que globalement, si en début de saison, on nous avait dit Europe. Mais même au milieu. Mais même au milieu, même au milieu. Maintenant, sur le final, c'est une déception. De toute façon, là, on n'est toujours pas qualifié en Ligue des Champions. On a été une fois troisième, c'est ça. Voilà. Oui, genre, ouais. Si on regarde le truc des débats, il y a une trace de trucs. Sur le Stubb aussi, tu connais ce site Racing Stubb, il y a le classement dynamique où tu peux te voir. C'est les mecs de la Fédé qui font ce site. Peut-être. C'est des mecs dynamiques. Ouais, j'ai lu dans Racing Stubb qu'il y aurait des liens en sorte de une, comme une sorte de communauté des conspirations. Imaginez un truc où les francs-maçons seraient liés d'une façon ou d'une autre. Donnez-moi une autre conspiration et qui n'est pas les juifs parce que tout le monde est juif tout le temps. Merde, j'arrête pas. Les nazis. Les Illuminati. Et les Illuminati, on n'en parle plus de la Torah. Les Illuminati, d'accord. Là, c'est pareil. Il semblerait. Quatrième, accroche-toi mieux. Quatrième, qu'il y aurait une conspiration d'un noyau dur constitué de mecs qui auraient fondé Racing Stubb, ou qui auraient été au début, de mecs qui auraient fondé, ou de filles peut-être aussi, la Fédé, ou qui auraient été au début, et les UB90, l'Antéchrist, UB90. Oh là là. Vous imaginez le truc ? C'est les mecs qui se barrent avant la fin des matchs. Bon, alors. Conclusion. Non, on n'est pas déçus. On n'est pas déçus. On s'en fout. Mais il y aurait une petite déception sur le sprint final quand même. Non. Moi, je rejoins Calcio. Je me dis, il reste deux matchs. Il reste Angers-Le Havre. C'est des équipes qui doivent encore soit assurer leur maintien, soit s'éviter la place de barragiste. Ils vont quand même pas lâcher le morceau, mais c'est quand même normalement en termes de foot pur, s'ils sont là à ces classements-là, c'est pas pour rien. Voilà, c'est pas pour rien. Se dire là, on est quoi, 6e au moment où on enregistre l'émission? Ouais, 6e. Se dire, il y a un Monaco qui joue à Lyon ou un truc Lyon du genre. Et Nantes, voilà, il y a des trucs, il y a des moments à s'accrocher. Ça serait con de finir au-delà de la 6e place. Pour moi, c'est 6e, c'est vraiment le mini. On peut peut-être accrocher. Après, on a une différence de but handicapante. Oui, on est les pires. Il faut peut-être battre Angers 17-0 là, le prochain week-end. Le problème d'Angers, c'est que cette saison, on les a pas gagnés. On a fait deux matchs, on a gagné qu'un match, je pense. C'est une équipe de cons. Puis la DS du Racing, c'est quoi? C'est d'avoir quand même plus peur pour un déplacement à Angers qu'avec la réception du PSG. Exact. Ça, c'est juste. Exactement. Et la saucisse n'a pas changé. Est-ce que Angers serait jamais. Est-ce que Angers serait le nouveau Amiens? Non. Bah ils jouent en or alors. Bah, c'est pour ça. Il y avait un petit le but, le but d'Aoulou quand même. Après le but de Sanson pour Nice qui nous nique bien. Non, je demandais au cas où. Et deux questions sur la Coupe d'Europe. Ah oui, mais là tu me prends. Ah non, sur la Coupe d'Europe, non, je crois pas. Non. Attends, attends. Si, alors c'est Coupe d'Europe et on va dire plus loin, plus haut, plus fort. Jusqu'au bout de l'extrême limite. Exactement. Alors c'est qui l'a posé? Donc c'est pas resté Sébastien. Joueur de. Bah c'est le même qui pose la question. Joueur de talent, victoire de prestige, meilleure défense d'Europe, course à l'Europe. Donc oui, il y a un rapport. Jeu de grande facture. Ça c'est vrai que combien de millions là? Meilleure équipe sur l'année civile 2025. Le tout avec la plus jeune équipe d'Europe. À qui attribuer le crédit? Là, vous n'allez pas faire les malins. Hein. Blouko, non, mais quand on parle de crédit, on ne parle pas de la tuile de Google. Ça, c'est vrai. Blouko, virgule Joueurs, virgule Rosenior, virgule Marker. Bien joué. Yes. Alors, moi, c'est assez facile. Les trois premiers, mais pas le dernier. Ouais. Et Bédad n'est pas si. Non, mais c'est Blouko. Marquelaire, il s'occupe du sportif, c'est clair et net. Enfin, c'est, je sais pas. Non, mais je te le dis, c'est inaffirmable. Par contre, il me l'a lui-même confirmé. Ouais. Donc, Blouko, bien sûr, ils ont mis les thunes pour acheter les joueurs. Donc, évidemment qu'ils ont leur rôle là-dessus. Ouais. Évidemment, les joueurs, c'est eux qui jouent sur le terrain. Et le coach aussi, quoi. Eh oui, Coach aussi. Et pas Marquelaire. Moi, Keller, j'ai vu la dernière fois que je l'ai vu bosser. Sur le sportif, je vois pas où il intervient. Mais peut-être que je répondais qu'il intervient pour les travaux du stade, choisir la couleur des stabilos dans les bureaux, pas de problème. Il fait pour choisir la qualité de la saucisse qui sera servie dans les trucs, il n'y a pas de problème. Par contre, ce sportif, non. Et donc, du coup, toutes les autres composantes du club, ça me fait mal de le dire, mais forcément, ils ont participé, comme ça fait mal de le dire, pas pour des joueurs et le coach, mais plutôt pour Blouko, force est de constater que cette année, ils ont fait un trou de force. Et qu'on a la meilleure saison sportive depuis qu'on se souvient. Et pour post-titre. Et pour pas cher. Si, pour très cher. À cause de Marlon. Évidemment que ça a coûté très cher. 110 millions d'euros. Bah, 110 millions d'euros, c'est deux fois et demi le budget qu'on a eu les saisons précédentes avant l'arrivée. Ah, mais c'est parce qu'on était pauvres. Hein. On s'en fout. Bien sûr. Bah ouais. Donc, on dit qu'on n'achète pas tout avec le pognon. C'est pas tout à fait vrai. Dans le football, quand t'as du pognon, logiquement, tu peux acheter, tu peux investir. Mais là, le tour de force, c'est pas tant qu'ils ont acheté des joueurs établis, un entraîneur établi, c'est qu'ils ont misé. Ça veut dire aussi que la cellule de recrutement qui est mise en place, qui est supervisée par Stewart et Jason Statham et tous ses potes, les Expendables, j'ai envie de dire, évidemment. Et ben, ils ont trouvé des mecs qui, alors pas tous la première année, certains la première année du représentant, d'autres c'est leur deuxième saison et voilà, ils ont réussi à trouver un truc qui fait que ça marche bien. Mais le bilan. Et est-ce que c'est le coach? Toujours pareil, quand ça, il le disait, quand ça marche bien c'est le coach, quand ça marche pas c'est le coach. En tout cas, la mise en musique est quand même impressionnante. Voilà. Parce que c'est... J'ai pas l'impression que tactiquement le mec a révolutionné le football. Hein. C'est pas, pour moi, c'est pas un révolutionnaire de football. Par contre, il a réussi à ce que cette bande de jeunes, ils s'entendent bien et qu'il y a un bon vestiaire et que ça marche bien. Ce qui est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Son crédit est fort. Mais est-ce que c'est un coup de bol? Est-ce que je mets à Rosenior dans une même condition ailleurs avec d'autres joueurs? Est-ce que le mec il arrive à le faire? Je sais pas. Je pense que là où il a été super intelligent et c'était pas donné à l'avance. C'est qu'il a vu immédiatement au bout de 3-4 matchs qu'il n'arriverait pas à faire jouer intelligemment ses joueurs. C'est-à-dire avec son espèce de stratégie complètement, ou de tactique, je ne sais jamais, tactique, qui était mais vraiment. Enfin, vous vous souvenez à Colmar, le premier match amical, qui clairement les joueurs ne comprenaient pas. Et encore 3 ou 4 matchs après dans la saison, ils ne comprenaient toujours pas. Et il a eu, je pense, cette intelligence de venir, revenir sur quelque chose de pas forcément plus simple, mais on va dire de plus compréhensible visiblement par les joueurs. Il n'est pas resté bloqué sur ce qu'il avait fait dans Football Manager. Après, pour être mesquin, c'est plus facile de dire on va blinder la défense quand t'as le meilleur gardien de Ligue 1. Ouais. Oui, mais on ne savait pas ça au début. On s'en est rendu compte. Ouais. Moi, je trouve que... Mais après, je pense qu'on aurait eu, par contre, on aurait pu faire quelque chose avec Johnson, qui était... Ouais. Oui, il avait l'air bien. Qui avait l'air sympa, mais qui n'aurait jamais fait les performances de Petrovic. Et c'est vrai que peut-être... être capable même de jouer au pied. Et moi, c'est aussi ça. Enfin, je crois qu'on y reviendra un peu plus tard. Ouais. Mais ce qui est très fort avec Petrovic, c'est pas juste qu'il arrête les ballons et qu'il les capte. C'est qu'en plus, c'est un joueur de champ. Ce qui, apparemment, n'était pas du tout gagné avant que Rosenior lui explique. Exactement. C'était... Il l'a dit. Après, c'est aussi la force d'être un... J'ai cherché un synonyme de gros enculé, tu vois. Non, mais de genre, ça a été ce côté qu'on peut reprocher à beaucoup, mais c'est dire, le mec, on prend un gardien, il fait 3 super matchs, tous ses coéquipiers l'adorent, on lui met un mec qui veut pas venir dans les pattes, et on leur dit, de toute façon, toi, tu vas jouer parce que c'est ton plan de carrière, toi, tu fermes ta gueule parce que t'es payé. Ouais. C'est pas possible, c'est possible que dans un monde où t'es un fonds d'investissement américain. Bon, après le mec venait de Ligue 2, de Bordeaux. Après faut pas non plus peindre le foot avant Bouco plus rose qu'il était. Je pense que oui, là c'est clairement c'était brutal. Sylvain Sanson, on a fait des trucs de pute. On a viré Sylvain Sanson pour mettre Joël Corman-Boeuf. Et que ça. Déjà, voilà, par exemple. Et après, on l'a pas regretté. Bah oui, en un match, Lameno s'était retourné. Ouais. Sur l'arrêt du premier coup franc tiré par je ne sais plus qui était l'équipe, où il va la chercher dans la lucarne, et c'est bon, je vous l'ai raconté, les enfants. Au coin du feu, il y a 4-5 jours. Alors que Sanson, il l'aurait récupéré au-dessus de la transversale pour le mettre dans son but. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est toujours un petit peu tu vois, ce travail d'entraîneur de faire jouer, faire le vestiaire, machin, mais aussi, l'autre pendant, c'est quand même trouver que. Tel mec, il serait meilleur à jouer tel poste. Je te donne un exemple. Antonetti qui dit tiens, Diarra, je vais plutôt le voir presque un ailier droit, que personne n'avait vu dans sa carrière, alors qu'il était plutôt milieu défensif. Et sous les 6 mois de Antonetti, Diarra, il s'est révélé. Il a marqué, je sais pas, 4-5 buts en tant qu'ailier droit et tout. Là, maintenant, l'entraîneur l'a refait jouer plutôt milieu de terrain, relayeur. Enfin, ça me dépasse, mais pourquoi pas. Ouais. Mais par contre, il voit qu'à Moreira, il serait mieux de le descendre d'un cran, de pas jouer ailier gauche, ou à Lyon, il a fait 6 mois en tant qu'ailier gauche, je joue pas une balle, pourquoi? Parce qu'il reçoit le ballon, il est arrêté, et Moreira, le seul truc où il est bon, et c'est ça, je pense que Rosenior s'en est rendu compte, c'est quand Moreira, il est lancé. Et donc, plus il part de loin, plus il est lancé, il joue des 1-2, il fait des courses, parce qu'il a cette capacité à faire des courses, Moreira, il est vraiment très très bon cette année, À Lyon, il n'a pas touché de balle. C'est le même bonhomme. Hein. C'est le même bonhomme. C'est juste qu'on l'a fait jouer dans des conditions complètement différentes. On s'est rendu compte que Moreira, lancé, il est bon. Arrêté quand il se ballon dans les pieds, ailier gauche. C'est pas un Barcola, tu vois, ou un Mbappé qui, des fois, joue ailier gauche. On lui donne le ballon dans les pieds, on lui dit, vas-y, crée-moi quelque chose. Non, Moreira, il sait pas faire ça. Par contre, Moreira, lancé à la course, à la vitesse et machin. Donc, on peut quand même donner du crédit à l'entraîneur de temps en temps. Être visionnaire sur un poste ou deux, faire jouer des mecs qui seront pas. Donc, c'est pas que Roselière, je voulais donner l'exemple, hein. Ça peut être Antonetti à l'époque aussi. C'est prendre des joueurs, les mettre. Tiens, mais moi, je te verrais mieux jouer autrement. Et des fois, ça rigole. Puis des fois. Le Racing, les joueurs sont beaucoup comme ça devant. Et Méga aussi, hein. Méga, il faut le lancer devant, même pas quoi. Mais même Diarra. Mais le jeu en transition, le Racing est redoutable en transition. Enfin, moi, j'ai le sentiment, quand il faut poser le jeu, c'est beaucoup plus compliqué. Mais le PSG est un peu comme ça aussi, hein, toute proportion gardée. Hein, c'est un jeu en transition, ça va vite, ça se projette bien. Et du coup, ça marque des buts. Mais c'est vrai que ça faudrait la. Mais j'ai l'impression comme ça, subjectif, il faudrait faire les stats. Mais quand en contre, moi je dis contre, mais c'est transition, c'est ça. Hein, c'est oui. Pareil. J'ai l'impression qu'on a une proportion de buts en contre assez impressionnante. Et ça avait commencé par le match à Lille. Ouais. Je reviens toujours sur ce but incroyable, ça reste mon but préféré de l'année. Pourtant, il y en a eu des beaux. Mais en termes de construction, ce le but. De l'Alasi ou de Emega, je m'en rappelle. C'est le but de. Mais les deux. Emega, à un moment, Emega en tout cas fait un relais, ça c'est sûr. Je pense que c'est le but de l'Alasi. Mais Emega fait un relais. Ouais, c'est ça. Et bon, bref, c'est pas la question. Mais ouais, donc Rosenior, oui, Rosenior, les joueurs et ben Blouko, quoi. Ça fait chier la bite, mais Blouko. Ah, d'ailleurs, Nanasi, vous avez regardé la vidéo qui a été faite par la Ligue McDonald's sur Nanasi sur le réseau. Non, vous avez raté. En ça. Ce moment là, par le jeu qu'il produit en ce moment. Non, ils ont fait une vidéo sur sa vie, sur retourner en Suède, c'est pas son père, sa mère, ses amis d'enfance. Ah bon, il vient pas de, enfin c'est pas un mec qui est né dans la rue. Contrairement à Johnny. Voilà, il vient d'un milieu machin. Et ils sont tous unanimes pour dire que c'est une grosse pleureuse. Son père le dit, ses meilleurs potes le disent. Enfin, c'est la vidéo. Lui est là, il se défend, il dit non, c'est pas vrai. Tout son père dit ouais, non, le mec, moi je faisais un contrat en jardin avec mon fils. Dès qu'il gagnait un contrat, mon fils il chialait comme une grosse merde. c'est un peu sans filtre. Et Nanasi est interviewé derrière, il dit non, mais en fait, c'est pas vraiment vrai. Je chialais pas à chaque fois. Je chialais 4 fois sur 5, mais pas à chaque fois. D'abord, c'est pas vrai. Et après, ils vont sur le terrain où ils jouaient des matchs entre le quartier de machin contre machin. Et ils gagnaient genre les matchs 9-0 avec 9 buts de Nanasi. Enfin, c'est un peu cliché. Et des fois, ils gagnaient pas le match. Et donc, il avait 15 ans, il rentrait chez lui, il pleurait. Il dit, mais non, mais je suis pas comme ça, je suis pas une pleureuse. Enfin, je vous invite à regarder, c'est assez, sympa. Nanasi, c'est peut-être le seul joueur qui finit quand même en dedans. Hein, qui a baissé, par rapport à ses coéquipiers. Alors, il avait mis la barre très haute. Oui, et puis la saison a été longue pour lui. La saison a été longue. C'est un an et demi. Voilà. Il faut savoir, c'est ce qu'il y aura une prochaine saison, parce que syndrome Pontus Van Rude. Est-ce qu'on a des petites questions Minitel encore? Est-ce que vous voulez rester sur le pognon et la Coupe d'Europe ou vous voulez changer de sujet? Dit, l'effectif dépendra probablement de la Coupe d'Europe. On avait un petit sujet sur le banc et on aura à peu près encore après. On a 10-15 minutes avant d'attaquer le quiz. Ce qu'on fera alors, c'est qu'on va aller sur le banc et puis après on se fait une petite rafale random. Ouais. Je vous propose de reprendre un petit peu le rouge aussi. Tu veux du rouge? Il est pas mal, hein. Les pouilles. Alors, on a trouvé ce titre hein, à la conférence de rédaction. On réfléchissait comme ça. Merci. Le banc, 58 minutes pour vivre. Alors, excellent. Alex, c'est toi qui as la stat. Ouais, hein, c'est une stat de Cyril Olivens-Berthet, mais normalement, elle est bonne stat. C'est ça. On lui a volé, évidemment. Évidemment. Honteusement piqué. Donc Strasbourg n'accorde en moyenne que 58 minutes de jeu à ses remplaçants par match en Ligue 1. Moi, c'est toute autre équipe. Ouais. Le Racing Club de Strasbourg n'a effectué ses 5 changements en cours de match qu'à 8 reprises en 2024. Donc un tweet du 9/4/2025 à 11h32. Merci. Et alors, pour expliquer, précision et les 58 minutes, c'est pour tous les joueurs. C'est cumulé. C'est pas genre chaque remplaçant joue. Ouais, s'il y a des cons, ils ont dit ouais, ça fait beaucoup 58 minutes quand même pour un match. Non, non, c'est tous. Surtout que Mara fait 12 secondes, c'est possible. On va à la prime de match. Alors, donc effectivement, il y a ce sujet donc, qu'on a déjà abordé. C'est ce banc qui semble un peu faiblard. qui est à mettre en balance, j'ai envie de dire, avec l'état physique des joueurs, parce qu'on va revenir sur le match du PSG. On sent quand même une équipe qui finit torchon, chiffon, carpette, quoi. Moreira, Sarr, blessé, les joueurs, les crampes, les trucs. On sent que l'équipe, et depuis le début, on le dit, Rosenior demande beaucoup, beaucoup à ses joueurs, et on sent qu'il y a eu du mal à avoir un turnover. Et donc, du coup, ce banc, pourquoi est-il si faible? Est-ce que l'année prochaine, si on joue, vu qu'on joue la Coupe d'Europe, et nous on sait laquelle, mais pas vous, il faudra l'étoffer. C'est une mission prioritaire. Moi, je pense qu'en fait, le banc, il est faible parce que le banc, c'est pas intéressant. On veut mettre en vitrine des joueurs. Donc, si tu veux bien mettre quelqu'un en vitrine, il faut qu'il joue. Voilà, donc évidemment, comme dans la vitrine, on peut pas mettre 25 gus, mais on en a 11, 13, 15 peut-être. Et c'est tout. En plus, bon, le pari de la jeunesse a quand même cet intérêt, c'est qu'a priori, les jeunes, ben, ils sont un peu plus résistants que les autres, ils se retapent plus rapidement. Bah, tout à fait. Hein, voilà, il n'y a pas de Coupe d'Europe en plus cette année, donc finalement, il y a moins de matchs que ce qu'il pourrait avoir l'année prochaine. Donc oui, on peut faire ce pari-là. En espérant juste qu'il n'y ait pas trop de blessés, qu'il n'y ait pas des suspendus dans la même ligne en même temps, qu'il n'y ait pas de drame. Mais pour l'instant, ça fonctionne plutôt, leur truc. Ben voilà, le seul gros passage à vide, on va dire, c'est l'absence des méga, qui pourtant n'était pas, hyper bon au début de saison, mais par contre, quand il a été absent... On s'est rendu compte qu'il était très utile. On s'est rendu compte qu'il n'y avait personne d'autre. Et du coup, à son retour, par contre, il est revenu en boulet de canon. Exceptionnel sur les 3-4 premiers matchs de son retour. On a qui sur ce banc? Il y a quand même des joueurs qui rentrent là. Je prends les ans du PSG, on a fait quand même pas mal de changements. Tout à fait. On avait Ouattara, Omobamidele, Silla, Amo Ameyo et Nanasi. Mais il restait sur le banc Johnson, Sobol, El Mourabé. Et c'est Kumara qui n'est pas rentré, malheureusement. Depuis un moment. Kumara, hein. Ça fait un moment qu'il joue plus. Hein. Bah, depuis Nice. Depuis, voilà. Donc, globalement, à part quelques jeunes pépites, il n'y a que Samir El Mourabé qui vient vraiment, on va dire, de l'équipe 2. Ah, Ouattara, c'est genre le mec qui fait le nom. Bah non, mais Ouattara, il joue quasiment... il a joué la moitié des matchs cette année. Quoi. Non, pas dire il est attendu. Ouattara vient à la réserve, mais il est pas... Oui, c'est pas une surprise. Ok, Et que devient Delaine? Blessé, je viens re-blessé. Alors que contre Saint-Étienne sur le banc de touche, on avait par exemple un Guéladoué ou un Abidjar. Ah, ça a de la gueule quand même. C'est un peu différent. Faire entrer ni Silla, ni Sobol, ni Delaine. Oh, mais la fin de saison est foutue là. Un de mes pires matchs. Mmh. C'est le seul avec Monaco où on a fait rentrer aucun des trois. Et ça en dit long. Hein. Ouais, ça en dit long. Sobol est rentré qu'une fois sur les 6 matchs qu'on a finement analysé. On a quasiment toujours les mêmes remplaçants. À Monaco, on avait Maréchal qui était remplaçant, mais de temps en temps, il y a un joueur qui rentre à tout. Mais globalement, on a toujours la même gueule du banc de touche. Je remonte jusqu'à Nice. Un match de Nice. Nice, Sobol est rentré. Si, on avait... Ah non. Excuse-moi, on avait un Amadou Cissé pour le banc de touche. Bien vite. Ah, vos têtes ont fait que... voilà. On avait Amadou Cissé et Pape Diong. Rappelez-vous, Pape Diong. Pape Diong, ça me parle plus. Donc en fait, ça, c'est des lourds de Football Manager où tu mixes des noms et des prénoms. C'est-à-dire que sur les bandes touches actuellement, on n'a plus des Pape Diong, on n'a plus des Oscar Pereira. Ah oui, qu'est-ce qu'il devient, Oscar Pereira? Bah, ils sont plus. Alors, Pape Diong, là, il est parti jouer avec la sélection U20 du Sénégal. Ouais, 20. Et malgré ça, on est à la lutte pour la deuxième place. Voilà. Les super, vraiment, les prospects plus, vraiment, on n'est vraiment pas sûr. Ceux-là, ils sont même plus sur le banc de touche sur les 6 derniers matchs. Le premier qui apparaît, c'est contre Nice, et c'était le 12 avril. Mais est-ce que le problème, c'est qu'on ne surperforme pas trop pour développer les pépites et qu'il faut un troisième club? Ouais, je crois. S'il faut un club où on puisse écouler nos pépites, en fait. Un club suisse. Ouais, des... Oh, non, mais sinon... Portugais, c'est bien. Alors, ça, portugais, ouais, mais sinon... Portugais-Suisse. Ouais. La dernière fois, on avait Diong et Pereira sur le banc de touche, c'est Strasbourg-Lyon. Ah, celui-là, là, enfin, il n'y a pas longtemps. Celui qu'on a... fin mars, quoi. Ouais, c'est ce qu'on a analysé. Fin mars, au moment où on enregistre cette émission, on a passé le début mai, quoi. Après, faut voir qu'on a quand même pas mal de mecs prêtés, hein. On a quand même Senoy à prêter, Lukovic, hein, traité à l'hôpital. Attends, on a même un Brésilien qui a gagné le championnat U20 du Portugal. Ah oui, Kaiki, David Kaiki, je crois. Qui? Petite quoi? Petit pour ça. Il y a des gens qui suivent ici à cette table, ça fait plaisir. Donc il a été champion du Portugal, championnat U20. Il est brésilien, il a jamais joué ne serait-ce qu'à l'équipe 2. C'est marrant. Ouais. C'est marrant. Voilà, en tout cas, quand on pense à lui, il y a eu cette petite dédicace de la Midiara, parce qu'il passe sur le billard. Il y a plusieurs bandes suite à sa blessure après. Les gens disent encore cette expression, on passe sur le billard. Je crois, ouais. Ah. On a toujours. Ryan Messi a disparu, par exemple, aussi. Ah oui, c'est vrai. Rappelez-vous ce bon vieux Ryan qui avait marqué un doublé en Coupe de France. Il avait disparu de la Coupe. Donc on en a encore. Mais on en a un chier plus 15, hein. C'est vraiment. T'as loupé le bus. Ouais. Il est toujours à Tarot. Il a loupé son abonnement Baggio était résilié, le mec il peut pas venir. Non, il est à Tarot, il erre. Ouais, si ça se trouve, c'est ça. Il est crasse. En fait, on a vraiment différents niveaux de pépites. On a celles qui peuvent jouer titulaire, voire remplaçant et qui rentrent beaucoup. On a celles qui sont, ils sont internationaux dans leur pays, mais. Ils ont du mal, ne serait-ce qu'à s'imposer en une, et ils jouent pas en deux du coup. Et après, on a vraiment les mecs qui jouent, qui viennent de la 2 et qui, voilà, il y a plusieurs niveaux de pépites. Quoi. Mais c'est pas suffisant encore. Certains sont des pépites, certains sont des paillettes d'or. Tu vois, c'est pas encore tout à fait la même chose. Des Dimitri paillettes d'or. Oh mais des paillettes, Golden Show. Ah pardon. Aucun rapport. On pourrait parler de, on s'en fout, le trophée LNFP, UNFP, LFP. On le commentera. Quand on aura les résultats. Ah, parce que moi j'ai les résultats. On a les résultats, mais on peut pas le dire. Ah, oui, pas le donc on le dira que après. Ah, j'ai un premier résultat à vous dire, c'est pas la peine de voter sur Twitter. Je sais pas, il y a eu toute une. Oui, un mais c'est les prédictions. Ce n'est absolument pas pris en compte. Oui, puisque c'est déjà voté par les gens. Faut rien, voilà, c'est de la merde. Arrêtez d'être con. C'était le conseil de la semaine, du mois. Quelques questions Minitel ou si vous. J'en ai vu des super. Bah oui, parce qu'il y avait beaucoup de questions. Il y avait énormément de questions, mais qui ne portaient pas vraiment sur les matchs. Donc par exemple, on a Rubin Steiner du site RacingStube.com. Je le connais bien. Le site. qui posait récemment, hein, c'était dimanche. Il faisait beau, ouais, vers 13h. Mitigé. Ouais, je sais pas s'il avait fini de manger, s'il avait plutôt pris un brunch, peut-être. Qu'il était écrit en mangeant. Ou peut-être qu'il revient. Donc, Rubin Steiner nous demande, doit-on reconnaître que le Racing, alors factuellement, arrêtez d'utiliser ce mot, doit-on reconnaître que le Racing a, dans les faits, changé de dimension? Oui. C'est un monsieur qui veut nous faire parler. Il a les moyens de nous faire parler, je peux vous dire. Est-ce qu'on peut dire le plus grand bar de France quand même. Est-ce qu'on peut dire que tu as changé de dimension quand tu es sorti avec Jessica pendant 3 mois en 2025 et que peut-être après, moi je suis très Beverly, tu vois, j'ai dit Jessica, mais ça pourrait être Kimberly. C'est très troublant parce que j'ai une collègue qui s'appelle Jessica que, enfin bref. Voilà. Et peut-être après les vacances, tu vois, tu auras mué et personne t'adressera la parole dans un cours du lycée. Ouais. Quand tu te seras vitré, t'as changé de dimension, Kevin. Ouais, un changement de dimension, il faut au moins qu'on confirme. C'est-à-dire, il faudrait que plusieurs saisons. Voilà, au moins deux déjà. Deuxième question de Rubin Steiner. Oui, bien sûr. Il a peut-être même un cure-dent en train d'enlever un petit bout de sauciflore coincé. Il a raison, il a bien raison. Bah oui, c'est fait pour ça. Exactement. Steiner. Alors Rubin Steiner, la prolongation de Rosenior. Bon, Rosenior, c'est l'entraîneur. Hein, on est quand même une émission pour le public. Le Kingston. Tout à fait. Qui assure au moins une saison supplémentaire aux commandes du club, est-elle une preuve d'ambition et de garantie sportive pour la prochaine saison? J'aurais dit, est-ce que c'est une preuve qu'on a changé de dimension? Mais voilà. Est-ce que c'est une preuve d'ambition et de garantie sportive pour la prochaine saison? Alors, avant que vous répondiez, je veux dire, ça ne garantit pas du tout que on voit Rosenior pendant une saison supplémentaire. Les indemnités sont garanties. Voilà, parce que les indemnités sont garanties. On a vu que apparemment 10 millions pour virer Vieira et son staff, ça en touche une sans bouger l'autre à Bogo. Du coup, on peut imaginer que si Rosenior, par malheur, que je pense pas, fasse un mauvais début de saison, il puisse directement aller entraîner genre les U13 de Kingston Open la saison prochaine. Donc il n'y a pas encore de garantie. Par contre, effectivement, il y a une sécurisation du... Enfin, en fait, quelqu'un l'a dit sur le Shtoub, je réponds à la question maintenant, je fais les questions et les réponses. Ouais, vas-y, vas-y. C'est comme ça que ça se passe maintenant sur Twitter, j'ai vu. la seule chose qui est garantie, c'est l'augmentation de salaire de Liam Rosenior. Voilà, exactement. Et bah en fait, il faut accepter. Puisqu'il il a bien raison. Oui, mais exactement. Il a bien raison. Il est arrivé, madame, de la famille. Ah, il vient de la famille. Exactement. Brenda Rosenior. Arrive. Et en fait, ça c'est marrant parce que ce que tu dis juste, et en fait, il y a des gens qui enjoignent. Il y a des clans. Vous avez remarqué, il y a des groupes. Et il y en a qui enjoignent aux autres de dire mais acceptez le monde moderne, da da da da da. Et ben, on peut pas accepter le monde moderne d'une part de ce qui est devenu le foot. C'est même pas ce que devient. Ça fait des années. Ce qui est devenu le foot et comment est devenu le Racing là maintenant, parce qu'on est rentré dans le truc de plein pied, et s'imaginer des trucs sur des prolongations de machin. Il faut accepter ce qui va avec. Je suis pas clair, mais c'est-à-dire exactement ouais. ce que non, ça suffit. L'utilisation du mot, du verbe enjoindre. Oui, mais enjoindre, c'est bien, non? Ouais, franchement, ça valide le reste. Ouais, non, mais c'est ça, exact. Ça fait classe. Et donc là, je prends mon stylo, je fais une petite chaque pour dire, ça va avec le package. C'est ça que je veux dire, simplement. Si on accepte, que le football a changé et que c'est vraiment génial parce qu'on va peut-être en Ligue des Champions, il faut accepter qu'une prolongation de contrat, ça veut absolument rien dire. Sauf plus de pognon. Ou plus de pognon pour le mec, et tant mieux pour lui. Yalla, shalom, Shabbat shalom, c'est génial. Mazel tov, voilà, merci. Hein? Revalorisation, ça. Mais exactement. Allez, question suivante. Ah bah là, non, je vois pas en quoi. J'ai pas une question, mais j'ai vu un truc sur les réseaux, il y avait quelqu'un qui s'était plaint. Aïe. Au match du PSG. Il trouve dommage que le public, et particulièrement le COP, n'est pas chanté un chant de bonne chance pour le PSG. je l'ai vu. Arsenal. Attends. Ça aurait eu de la gueule. Il faut le lire. Il faut dire qu'il y a la personne. À un moment, il faut donner. Je ne sais pas parce que ça a été coupé. On ne voit pas le nom de la personne. C'est sur un réseau social qui commence par Face et qui termine par. Ah ouais, non, mais ça, je sais pas. C'est True Social. True Social. Et franchement. Vous me dégoûtez de ne pas avoir chanté pour le PSG. Tous autant que vous êtes, vous me dégoûtez. Alors, je suis pas d'accord, parce qu'il y a eu des petits chants d'encouragement pour le PSG du même match. Ouais. PSG enculé, c'est pas vrai. Ouais, faut accepter. Il faut le dire quand même à nos auditeurs. Le football, il a changé. Ouais. Non, les gens, ils demandent à la méno à ce que tant que moi, c'était le mec qui voulait à l'époque, on a joué contre Guingamp en Coupe de la Ligue, qui voulait qu'on fasse innovation à Guingamp. Alors, vous avez peut-être pas remarqué. Le sport. Le football, il a changé. Oui, mais les gens se rendent pas compte, peut-être. Il y a des gens, ils écoutent Racing Stubb depuis 17 ans, bientôt, et ils ne se sont pas rendu compte qu'il y a une population dans Racing Stubb qui. Je veux dire, rien que l'idée d'éventuellement dire bravo à Guingamp au PSG, ça, c'est même pas que c'est pas une langue. C'est pas une langue étrangère, c'est une autre dimension, ça n'existe pas. Je vois pas pourquoi on dirait bravo à Guingamp après le match du PSG. C'est complètement con. Mais c'est génial. Non, mais oui. Ils avaient éliminé en même. Alors après, il y a des gens sur le site racingstoop.com qui parlent de oui, mais il faut supporter les équipes françaises en Coupe d'Europe par rapport à l'indice UEFA. Je pense que les mecs. Attends, on a potentiellement cette année, on a 7 clubs sur 18 qui vont en Coupe d'Europe. Oui. Si on enlève encore 10 clubs, on aura 7 clubs sur 18. C'est ça. Mais oui. Mais 7 clubs sur 18. Et les Anglais en ont 35, hein, de prévu. Je pense que c'est sur Twitter. Il y avait ça aussi. Mais là, ils en ont potentiellement 6 en Ligue des Champions, les Anglais. Oui, c'est ils ça. En ont 5 et puis probablement plus 34 en Europa League. Enfin, ouais, non, mais. C'est bien. Ils vont chercher en Championship. Ouais, ouais. QPR! Il y a des chances qu'ils jouent la Coupe d'Europe. Qui a des meilleurs salaires que Marseille. Hein, oui, ça va. Mais tout ça pour dire, ça c'est top. Mais la question, est-ce que vous seriez capable de supporter un club? Est-ce que vous supportez les clubs français en Coupe d'Europe? Évidemment que non. Voilà. Moi, j'ai jamais compris, mais. Mais alors pourquoi on n'a pas fait de ovation à Arsenal? C'est un club français. Ah merde, c'est un club français. Est-ce qu'on a encore des questions militaires? Oui, une question, et après le quiz. On est d'accord qu'on n'a rien à dire sur la grève, ça, on n'a pas de. Parce que là, Ruben Chanière demande des choses, genre la grève doit s'arrêter. Mais je sais pas, vous êtes 10 000 à le dire. Elle doit ça. Oui, c'est ce qu'il y a marqué. La grève, non, il pose la question. La grève doit-elle s'arrêter la saison prochaine? Question. Et continuer sous un autre format? Mais je sais pas, moi. Il y a des grévistes et des trévistes. Elle pourrait, mais elle doit pas. Comme si c'était un dû qu'elle devait s'arrêter. Il a dit doit-elle. Si on regarde les faits, doit-elle. La saison dernière, il y a. Il n'y avait pas de grève. Il n'y avait pas de grève. On est combien? Il a raison. Le tableau. Cette saison, la grève, on joue l'Europe. Est-ce que c'est pas la grève qui a eu raison de Patrick Vieira? Je pense que si. Moi, je pense que la grève fait énormément de bien. Je pense que la grève fait plus pour le club que Bloco. Moi, je crois que la grève. Oui, parce qu'on aurait pu citer la grève dans les raisons. Oui, la grève a fait rentrer. T'aurais dû être un peu osé. Non, mais regarde, grâce à la grève, il y a des articles sur le Racing dans le Sun, la BBC. La dernière heure, le journal luxembourgeois. La dernière heure. C'est beige. C'est pareil. On embrasse et je l'attends. Il y a le Sun. Il y a tout. Il y a le Sun. Le journal belge. Donc il faut le dire, c'est la grève qui fait rentrer ce club dans une nouvelle dimension. Et une demi-heure de grève l'an prochain. Pour l'Europe, il faut hausser le niveau. Le club change d'immense. Ceci dit, moi j'ai quand même peur d'un truc. Enfin, j'ai peur, c'est une possibilité. Dans ces clubs, parfois, les supporters type carté, ultra machin, sont poussés vers la sortie. Ça peut aussi faire partie. Et la grève. Pour l'anniversaire. Et la grève pourrait durer 90 minutes. Moi j'y connais rien. Mais attends, mais tu penses, c'est quand même eux qui écrivent les livres de loi et tout ça. Et qui font bien. Attendons le prix des abonnements la saison prochaine. Oui, déjà. Oui. Ah, oui. Que le prix des loges avec le nouveau stade qui va. Donc la nouvelle tribune sud. Oui, tout à fait. Va être inaugurée avec des loges. Pas forcément le même prix que la dernière. Et pas forcément maçonnique. Voilà. Et donc, du coup, l'abonnement à tarif populaire. Mm. Qui sont chaque année négociés par les associations supporters, pas forcément par les ultras, qui disent au club, attention, pour la tribune du COP, il faudrait un tarif populaire pour que toutes les classes de la société puissent accéder à ces matchs-là. C'est pas un dû, quoi. Non. C'est pas un dû, et quand t'as un actionnaire qui, à un moment donné, veut rentabiliser son truc, il peut très bien dire, je m'assois sur 5000 abonnements, je vais pas les doubler, et je me barre. Mais il peut très bien dire, j'en ai rien à foutre, et j'augmente les prix x2 en tribune populaire, vous et x1,5 en tribune un peu moins, voilà, et au fur et à mesure, je grimpe les prix. C'est ce qui est arrivé en Angleterre, hein. C'est pas à Paris. C'est pas de la politique fiction qu'on fait là, c'est déjà arrivé. Donc pour l'instant, ça reste très accessible, le stade de la Méno. Très accessible. Attention. C'est pas forcément sûr que ça continue comme ça. Et en Angleterre, c'était il y a 35 ans. Ça a commencé à 35 ans. Donc c'est éprouvé. C'est une méthode qui marche sur la durée. Oui. La crise des droits télé? Non. On s'en branle. Ah, okay. Le quiz, là. Parce que là, on est dans un timing, on pourra faire des petites questions. Ok, on fera à la fin de la tête. Mais Calcio nous a préparé un quiz. Putain, je vais être lamentable encore là-dedans. Alors, un quiz où, contrairement à vous, j'ai les bonnes réponses et je les donnerai. Voilà. Et on rappelle que le champion en titre est JP Darty. Hein, merci. Qui remet sa ceinture en jeu. Voilà. Tout à fait. Stylo. Oh. Donc, la dernière fois qu'on a battu le PSG à la maison, c'était quand là? Rappelez-moi, rapidement. Thierry Loret. 2017, effectivement. Décembre. La saison 2017-2018, quelle saison? Merci pour tout. Donc depuis 2017-2018, je voudrais les buteurs du Racing qui ont minimum marqué 3 buts. Mais non. Mais si. Mais c'est-à-dire 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, jusqu'à mai 2025 inclus. D'accord. Ouais, parce que nous, on a déjà les buteurs. Ouais, mais on sait. Donc il faut qu'on fasse ça, faut pas qu'on les casse. Donc là, c'est un 100 mètres. L'objectif, c'est d'être le premier avec 6 bonnes réponses. D'accord. Voilà. Sachant que si vous répondez pas juste, vous n'êtes pas éliminé. Un joker. Non, vous n'êtes pas éliminé, mais du coup, le premier à 6 a gagné. D'accord. A gagné le 100 mètres ou le quiz? A gagné le 100 mètres du quiz. D'accord. Le quiz du 100 mètres, enfin voilà. Gigus. Je commence? Alors, à tout seigneur, tout honneur, je vais dire Emmanuel Méga. Voilà. Emmanuel Méga, vous l'aviez tous, Et Ballon d'Or, mais alors où est-il? Ça c'est toujours le problème, on a eu les quiz, c'est les trouver. Emmanuel et Vega, en tout cas, bonne réponse, il est quelque part, Emmanuel et Vega. Mais il est même 5ème, 23 oh. buts. Oh, pépite. Bravo, 23 buts, putain. Bon, Luc, c'est... Jean-Luc Dorky. Nanassi. Il est dedans, Nanassi, 5 buts, effectivement. Je pensais plus. Une bigus. J'avais donné un point à Nanassi, mais... Je m'appelle souvent... Jean-Marc. Ben, Gamero. Gamero, bonne réponse. Il est 4ème avec 26 buts. 26 buts. Plus que Mega. Ouais. Plus que Mega depuis son retour aussi. Ajor, premier de ce classement avec 49 buts, bien entendu. Ça compte à partir de 2017. Yenard. À partir de la saison 2017-2018. Donc le premier match de la saison 2017-2018. Lienard, c'est une bonne réponse. Mais alors, c'est pareil, Wettil, il est là, 11 buts. Bakwa, il est aussi dedans. C'est 10 buts. 10 buts déjà. 10 buts, ouais. C'est pique, quel joueur. Ça se vendra bien, je pense. Oh là là, effectivement. Donc à la fin de ce premier tour, une bonne réponse pour tout le monde. C'est parti. Tout le monde a gagné. Ouais. On attaque le deuxième tour. Je vais proposer Stéphane Bauken. Stéphane Bauken. Stéphane, tu es sûr de ton choix? Bah ouais. Mais évidemment, c'est une bonne réponse. Combien? 8 buts pour Stéphane Bauken. On aurait pu penser plus, mais. Aïe. Ah ouais, Bellegarde. Bellegarde, c'est une bonne réponse. 8 buts également. Ah bah. Moi je dirais. Oui, non, pardon. Bien essayé. Moi je dirais Habib Diallo. Habib Diallo, ah, effectivement, il est deuxième de ce classement avec 41 buts. Ah bien. Julian. Thomasson. Thomasson, troisième de ce classement avec 28 buts. Les 5 premiers ont été donnés. Quel hasard. Diarra. Lequel? Habib, bonne réponse, évidemment, 11 buts aussi. Alors, je tiens à dire qu'avant, je voulais d'abord dire Lienard, tu as dit Lienard, je voulais dire Mandia, tu dis Diarra. Ouais, comme par hasard. Comme par hasard, c'est certain. C'est un vrai noir ressort. Il y en a quelques-uns, et tu en connais. Je vais tenter. Comment il a mis son corner? Scylla, je m'en fous, je sens Scylla. Mais c'est une très bonne réponse. Scylla, il est dedans, mais alors où est-il? Ah, si je le trouve pas, il est peut-être pas dedans en fait. Si, il est dedans, 4 buts. Il devrait être tout sur corner, à mon avis. Probablement. Je prends un coup sur le corner. Là, du coup, j'ai perdu le. Alors, 2 tours chacun, enfin 2 réponses, bonne réponse au bout de 2 tours. Il faut d'abord remarquer qu'on est bon. Oui, bravo. Ouais. Pas du tout. Écoutez, Sébastien. je pense à un joueur, mais je ne me rappelle plus son nom. Ah oui. 2-0 pour l'Inter à la mi-temps. Ah bah vous. Encore une équipe pour gagner. Je connais le résultat. Évidemment. Alors, on va regarder cette saison, c'est facile. On a la meilleure attaque. Ah, oui. Didier Rabalou. 3. Santos, on n'a pas dit Santos. On n'a pas dit Santos. C'est vrai. On n'a pas dit Santos. On n'a pas dit Santos. Il est dedans avec 11 buts. Bonne réponse. On n'a pas dit Santos. Jean-Luc. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai envie de croire qu'il les a mis, Perrin. Quel Perrin? Lucas. Lucas Perrin. Le synthé, trop bien. Ouais, Perrin, il est pas dedans. Ouais, il a marqué un synthé, mais je pense que ça s'arrête. Hein. Ouais. Magique. Le frangin, Jean-Luc. Nuno da Costa. Nuno da Costa, bonne réponse. Mais non, c'est Jean-Marc. C'était Jean-Marc, pardon. C'était lui que je voulais dire. Voilà. Ah, il était encore là en 2017-2018. Ah, oui, il a marqué contre les Chelsea. Ah, mais oui, c'est vrai. Il est 7ème de ce classement. Quand même. Moi, je vais proposer quelqu'un qu'on va retrouver ce week-end. Jean-Eude Aoulou. Oh. Jean-Eude. Dis-moi qu'il est de Juan Yudes. Jean-Eude Aoulou, 11 buts aussi. Il est bien dedans. Ah, ça devient chouette. Moi, je dirais Djikou, parce que j'aime bien Djikou. Ah oui, Djikou est dedans, c'est tout. Ah, il y a eu un scandale Djikou, d'ailleurs. Oui, il s'est fait. Récemment. Sur Twitter. What else? J'essaie de gagner du temps, moi aussi. Tu veux des cacahuètes? Elles sont bonnes. Je vais en prendre un petit peu. Tu en as un peu aussi? C'est très très bon, ce truc, c'est un peu frais derrière. Un peu de gingembre, non? Ouais, hein. Un peu de gingembre et de la. Là, je t'ai fait gagner 40 secondes. Bon. C'est pas tout ça. Merde, c'est pas tout ça. Ouais. C'est déjà pas mal. Je vais vous dire, mon cher Sébastien. Dis-moi tout. Écoutez. Prenez notre force et travaillez. J'ai pas le temps de Doucouré, j'en sais rien. Il a dû mettre des bulles. Doucouré, ouais, il m'a pas mis assez. Et merde. Et ben voilà. Tout d'art. Digas. Encore bravo. C'est là maintenant. Bravo, Doucouré. Là, j'avais les oubliés. J'ai tenté Félix le Maréchal. Félix le Maréchal, c'est raté. Putain, ah, il a pas dedans, le Maréchal. Ah si, il en a mis 5, pardon. Ah, il est dedans. Ah, la pression qui est mise. D'accord. Ah, t'es éliminé, toi? Ah, Motiba, mais oui. Putain, il a piqué, enculé. Mais t'es éliminé, toi? Mais non, c'est pas ça. Non, personne n'est éliminé. Personne n'est éliminé. Par contre, c'est le premier avec 6 bonnes réponses. Ok. Gigas en a 4. Je dis ça. Il est fort. Je dirais... Kenny Lala. Kenny Lala, c'est une bonne réponse. Oui. Très putain, mais vous piquez tous mes trucs. Eh oui, un Kenny Lala. Il reste... Oh putain, j'en ai un. Il en reste quelques-uns. Ah, moi j'en ai aussi. Le traître, Jonas Martin. Oh. Ah, c'est on doit le compter, on doit le compter ou pas, moi, pas il est dedans, mais est-ce qu'on doit le compter? 8 oui. Bonne réponse. Dont on rappelle à chaque fois que son départ avait été annoncé en premier sur Radio Stuhl. Il faut 3 buts en tout sur la période. 3 buts en tout sur la période. Et coupe et championnat, tout ça. Coupe et championnat. Match amico aussi. Rien ici est presque. Non, match amico. J'allais dire. Pardon. Je suis content qu'on rejoint un buteur. Hein. Allez-y, vas-y. Morera. Morera. Ah oui. Mais non. Quoi non. J'ai failli dire. Morera, il a mis que 2 buts. Il n'y a qu'un 2. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est décevant. C'est moi, décevant. Je me demande, mais je pense pas qu'il en ait mis 3, donc je vais pas le dire lui. Je pense à un footballeur. Ouais, ça se voit. T'es sur la bonne voie. Je vois un footballeur. Je vois un footballeur. Et lancé. Ouais, plutôt bien. Ouais, plutôt sportif. Ouais, ouais. Mais j'en sais rien. Qu'est-ce que. Je sais pas, les gens de cette équipe, ça m'énerve. De toute façon, ce club. Un ou deux ont été cités hein, quand même. Ce club n'existait pas avant 2023. Ah, c'est ça, c'est ça. On est d'accord. Donc, moi je vais dire. Bon, je sais pas. Bah, tu sais quoi, Delaine? Delaine, ah, non, c'est raté. Ah. Un petit point sur les scores, du coup, au bout de 4 tours. Guess, 4 points. Jean-Luc Darky, 4 points. Monsieur. Non, William, 4 points. Monsieur Foot, 3 points. Jean-Marc Darky. Non, c'est Jean-Marc Darry. Jean-Marc Darry à 4 et Jean-Luc à 3. C'est ça, Jean-Luc à 3, Jean-Marc à 4. Vous n'avez pas le droit de cumuler dans la famille. Hein. C'est pas... Et moi, j'ai que 3 ou 2. Et ouais, à peu près. Mais tu gagneras. Oui, bah, bien deux, sûr. 2. Gigas, ton rappel. Il en reste, il en reste. De nouveau, oublié joueur que je connais. Avec les copains de Jean-Marc. Alors, j'avais un joueur. Oui! Alors je... Il y a encore des légendes. Hein. Bah, c'est une légende, mais je sais pas s'il a mis. Mais j'ai envie de dire Gilbert. Gilbert, ah. Le frère au Gilbert, qu'on aurait dû lâcher. Bonne réponse, 3 buts. Putain, la non, mais. T'as eu chaud. Putain, t'étais chaud patate. Jean-Luc, Jean-Marc, Jean-Pierre. Luc, Jean-Michel. Jean. Oh, je me dis, c'est trop longtemps, Grimm. Grim, non, je n'ai pas de parents. Il a mis les buts avant. Il a mis les buts avant, qui ne comptent pas du coup. Il n'existe pas, ça. Il est voilà. Moi, je vais tenter Sanson. Ah. Ah, mauvaise réponse. Il est foiré. Ah, j'aurais là, William. Moi, je suis sûr qu'il y en a un. Ah oui, ouais. Non, mais c'est sûr. il a fait une deuxième, juste avant de partir, il a fait une dernière partie de saison. Anthony Gonsalves. Anthony Gonsalves, bonne réponse. Ah, j'avais pensé, mais j'étais pas sûr. 5 points. Il joue à la fin. 5 buts, il a marqué? Ou j'ai mais marqué 5 points? 7. 7. Tu 7 as 5 buts. Points, tu as 5 points. Tu as 2 points de Gonsalves, effectivement. Putain, je suis pas loin. Lucas Perrin, j'ai été dit? Oui, oui. Oui, Lucas Perrin. Mais tu peux le redire. Je peux le redire. Je vais pas perdre. Je sais pas, là, je sais plus une heure que j'ai réussi à quand même à garder Lucas Perrin, que j'ai été dit. Non, je passe mon tour. Oh, on m'appelle pas Alex Zaymer pour rien. C'est On a déjà dit Dick. Ouais. Il en reste. Et des légendes. Des légendes. Des vrais joueurs qu'on aurait pas dû lâcher. Genre David Itelli, tu vois, mais. Ouais, ouais. Mieux que David Itelli. Mais oui. Anthony Cassie. Anthony Cassie, non. Il a pas marqué l'autre. Deux buts. Gigas pour aller pour peut-être gagner. Mais non, faut que je suis derrière lui. Oui, je sais, mais peut-être, si tu te trompes. Mais ouais, c'est lui qui a commencé le premier, toi. C'est la mort subite. Surtout que là, en plus, je suis super doux. C'est toi. Super doux. Super doux, lequel? D'ailleurs, super doux, qui n'a pas posé beaucoup de questions. Ouais, il est malade, je pense. Réfléchis quand même. Un joueur. On a dit. Certains ont été cités lors de cette émission. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Non, allez, j'ai 5, 4, 3. Je veux dire manga, mais c'est juste parce que c'est, j'ai pensé à Black Wire et du coup j'ai pas d'autre. Voilà. Là, il faut aller rechercher. Michel Platini. 5. Bad Cells. Ah ouais. Il y a quelque chose. Il en reste. Vous le connaissez. Apparemment, une légende. Et des légendes. Moi, j'en ai deux en tête. Il y en a un risqué, hein, pas risqué. Pour gagner, la gagne. Alors, est-ce que j'assure ou pas? Assure. Que tu veux gagner le quiz avec tout ce que ça représente comme voleur. Est-ce que tu veux gagner le chèque à la fin de l'émission ou avec panache? Une couronne. Je vais pas prendre de risque. Je pense que Blayek doit être. Il était évidemment, encore avec j'en avais un 4 buts. J'en avais un autre. J'avais lequel de J'avais Benjamin Cornier. Je me dis que. Benjamin Cornier. Et est-ce qu'il y avait Sagine Persic? Il a pas marqué 3 buts. Cornier est pas dedans. 4 buts. Il a combien de buts Cornier au Racing? Moins 3. Putain, qui est en dedans. Il m'a pris Blayek, la seule légende du Racing, c'est Blayek. C'est qu'un. C'est qu'un, il est pas dedans. Il est parti trop tôt. Il a fait juste la saison de Ligue 1. Non, mais je sais rien, moi. Attends, avec la Coupe de France, il a marqué 3 buts, Cornier. Il y en a quand même quelques-uns. Hein. Ouais, mais je vais vous faire perdre du temps. Bon, allez, parce qu'on a des questions. Je porte plainte en 2018-2019. Cornier, il a marqué 1 but en championnat et 2 buts en Coupe de France. C'est écrit sur le chou. Je porte plainte. Avec Cornier, il est dessus. Bah voilà! Il y a Cornier, effectivement. J'aurais voulu gagner avec Cornier. Là, ça aurait eu la classe. C'est un fameux scandale du Calcio, ça. Zoé. Il est dans avec 6 buts. Et ben alors, j'ai pas le droit de le dire. Si, tu peux le dire. Moïse, bonne réponse, 6 buts. C'est parfait. Youssouf Fofana qui est dedans avec 3 buts. Du camp des barbares. Il y avait Koné avec 3 buts. Mara. C'est Koumara, il en a mis 3. Mais oui, avec la Coupe de France, il a raison. Martinez. Gonsalves Martinez. En charnière centrale. Qui ça? Un autre. En charnière centrale. Mais non, mieux que ça. Trouble-Bœuf. Mitrovic, Stéphane Mitrovic. Oh putain, ça va être 2017. Et alors là, les pépites devant. Avec qui comme bonne pépite? Idriss Saadi. Ah oui. Et encore mieux, ou peut-être encore mieux, ou peut-être pareil. Majid Waris. Mais on est nul. Non, mais attends, autant Majid Waris 5 buts, ouais, mais ça a dit 5 buts. Je peux pas y croire. Et un dernier qui a peut-être été le. Qui est parti la saison dernière, après 15 ans au Racing, 35 ans pour les vrais amoureux du ballon. Ibrahima Sissoko. Frérot. Ibrahima Sissoko, ouais. T'as là, je m'en veux de pas l'avoir cité. Et en 3, 4 buts, il y avait Terrier aussi. Et Baptiste Guillaume, non, c'est Ligue 2. Donc en tout cas, victoire de Julian. Bravo. Il n'a pas tout perdu. Quelques questions militaires, parce que là, nous sommes à 1h40, 17h. Oui, on se lève. 19, 20, 22. Est-ce que le Racing est capable de totalement foirer ces deux derniers matchs, histoire de respecter ses valeurs? Question de Holy Cool. Il y a une question très similaire de Rose 3 sur Twitter. Donc, on fait le package. Je sais pas s'il peut, mais il va. J'aimerais. Ça serait so Racing. Nous, on le sait, donc on peut pas répondre. Et qu'on finisse 7e et que Reims gagne la coupe. Ouais, le truc. On avait déjà vécu ça il y a 2-3 ans avec Stéphane. C'est du vécu. Ok, donc ça je note, hein, Holy Cool, une facture, voilà. Petite question supplémentaire peut-être. Allez. La dernière peut-être. Allez. Oui. Truite 68. Ah oui, Truite 68. Ah, excellent. Très, ouais. Ouais. L'évolution la plus positive de cette saison aura été la partie boisson alimentation. Ah oui. Ouais. Les saucisses n'ont pas changé. Oui, mais nous avons pu noter une amélioration du service, 90+4 notamment, et la rapidité à obtenir un breuvage. Nanani, nanana. Et une étudiante. Par une étudiante qui ne comprend pas la règle du hors-jeu. Alors là, cliché. Cliché. On est au 21e siècle. On se déconstruit un petit peu, truc 68. Devant une telle amélioration. On ne genre pas. Bah, oui. Excuse-moi. Hein, qu'est-ce qui te fait dire que c'est une femme? Parce qu'elle a des. Bon, bref. devant une telle amélioration, risque-t-on de voir disparaître la bière? La bière, rue de l'Extelwurst. Ou alors la saucisse plus que mi-cuite avec la mer sans picon et sans TVA. Ont-ils encore de beaux jours devant eux? Pour moi, tant qu'ils ne mettent pas du vrai picon, la bière n'est pas devant eux. Ils vont péricliter. Ah, ils périclitent déjà, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, c'est la bière. Moi, je suis arrivé un peu en retard, mais il n'y avait personne. Je passe jamais par là, donc je ne sais pas. Moi non plus. Mais est-ce que ça coûte tellement cher d'acheter du vrai picon? Ben non. Moi, je crois que c'est une des petites économies de bout de chandelle. Ah, est-ce que Real Marquardt. Est-ce qu'il y a du picon? Il a acheté des faux joueurs. Est-ce qu'il y a du picon, Stan? Non. Non. Enfin, en tout cas, t'as pas l'option. T'as pas l'option. T'as pas l'option pour mettre dans la 16? Non. C'est dommage. Ça, c'est scandale. Alors, moi, je pense que bon, ce qu'il y a au cœur de cette question hein, de Truite 68, je pense que ça va au-delà de la problématique de la vente de boissons. Je pense que Truite 68, ce qu'il veut souligner là, c'est la fin d'un monde. Et le monde nouveau. Et du coup, l'entrée dans un monde nouveau, c'est une sorte d'apocalypse, c'est la définition de l'apocalypse. Changement de dimension, peut-être. Et... Tu m'ôtes les mots de la bouche, exactement. Et ce que Truite 68, je crois, souligne par là, c'est ce changement de dimension. Merci. Ouais, mais la saucisse n'a pas changé. La saucisse n'a pas changé. Mais attends, qu'elle sera encore goûtée par Keller et... La saucisse n'a pas changé, donc... Ah oui. La DNA Club est intacte. Mais vraie question, vous mangez encore au stade? Non. Jamais. J'ai jamais mangé au stade. Dernière fois, en 2001, on a perdu, du coup, j'avais arrêté de manger au stade. Après, le match d'après, on a perdu... Du coup, j'ai mangé au McDo, on a quand même perdu, du coup j'ai arrêté de manger tout court, et on a quand même perdu. Non, t'as mangé des pitchs en Coupe de France, fais pas genre, je t'ai vu manger des pitchs. Ça compte, mais c'est gratuit, donc ça compte pas. Ah, des ça c'est écrit dans la tome. Il y a eu une époque sponsoring par un pitch de la Coupe de France. Encore, c'est plus les mêmes pitchs, c'est des trucs différents, c'est des pitchs un peu revisités. Ah ouais, mais il y a toujours pitch en Coupe de France. On s'est fait éliminer là, comme des grosses merdes. Alors quand? Parce que c'est Angers, donc cette année du coup. On a mangé des pitchs. Ah ouais. Cool. Ah, on a mangé des pitchs même. Parce que pitch sponsorisait le basket très longtemps. Mais la Coupe de France depuis des années. Ouais. Les pitchs de patch. Voilà, les pitchs de patch. Dernière pour la route. Oui, alors une petite dernière, bien sûr. Alors je sais pas s'il y en a tellement plus en fait. Il y a Rostroy qui demande les clés ont-elles été. Ah non, aucun rapport. Quel est votre tube préféré? Non, c'est aussi Rose 3. Votre tube préféré, moi, c'est le Tupperware où tu peux mettre deux séparés au milieu. Ouais. Vous savez que c'est mort, hein, Tupperware? Ah bon? Non, c'était repris par un Français. Ah. C'est pas vrai. Si, le mec, il relance Tupperware en France. Oh, et non, on a posé toutes les questions d'Esté Sébastien, qu'on a posé beaucoup. Mais User 6.7, il en avait des questions. Ouais. Je trouve qu'en plus. Alors, effectivement, User 6.7. Alors c'est arrobase ceux qui veulent lui écrire directement U majuscule S-E-R C j'adore faire vous vous souvenez Farouja hein, dans S-E-R C non Dominique ne lisez pas C-S-6-7 sur X. Alors je ne sais pas qui c'est une personne qui s'est inscrite récemment sur X. Je trouve qu'en plus de l'équipe virgule le public virgule les fans de Strasbourg ont rajeuni. Ah, tu m'as demandé une question. C'est une question, ça? Ouais. Avez-vous ce constat également? Ah! Eh ben, pas du tout. Pas du tout. C'est fait, merci à toi. Ah, je veux qu'on voit les mêmes en tribune, en fait. Mais moi, j'ai. Je peux dire. C'est un plaisir, hein! Et je peux dire que ça rajeunit, quoi. Ouais, c'est ça. C'est... Donc, non. Réponse, non. Voilà. Bon, moi, je crois que là, on est bon. Rika Lewis. Ah, bah oui. Ah, oui, Rika Lewis. Rika Lewis 67, bien sûr. Hashtag tour de table. Alors, hashtag, c'est le signe dièse. C'est important, c'est les gens sur Twitter, visiblement, n'ont pas compris comment fonctionne Twitter, mais ça, c'est autre chose. Vous êtes coach et vous avez Cels et Petrovic dans l'effectif. Qui mettez-vous en 1 et qui mettez-vous en 2? Tiens, on vise la coupe, on gagne la coupe. Parce que de toute façon, avec l'un ou l'autre, on gagne la coupe. Déjà. Et peut-être plutôt Petrovic pour la coupe, parce que Cels, c'est pas terrible au penalty. Ok. Il a pas gagné une séance là récemment de tir au but à Nottingham. C'est s'il reste, Petrovic qui part. Oh. Mais comment ça? Sels reste à Nottingham Forest et Petrovic part du Racing. Sels, on ne nous voit la fort dépourvu quand même. Sels, il est quand même resté un certain nombre d'années. Dans son star, d'accord. Voilà. Oui. Mais bon, le jeu au pied de Petrovic est quand même assez étonnant. Horrible. Ah là, il y a un clash. Ce monsieur là-bas considère qu'il est horrible. Tu considères pas que c'est un très bon 12e homme? Ah, horrible. Mais il le fait jouer comme ça pourtant et ça fonctionne plutôt pas mal. Ouf. Je pense que c'est la condition pour qu'il vienne à Paris. Par contre, Paris, c'est. Je pense que la moitié des relances qui finissent en touche, ouais. L'autre moitié qui finissent dans les pieds d'un défenseur parisien. Oui, je suis d'accord, mais pour les autres matchs, c'était un petit peu moins compliqué. Moi, je trouve les relances, elles sont fébriles, hein, côté Petrovic. Ouais, je trouve la défense strasbourgeoise doit beaucoup trop dégager à chaque fois, parce qu'il attend trop pour faire une passe. Moi, je suis assez d'accord. Ouais. Moi, je trouve Petrovic est horrible au pied. Il s'améliore, par contre. Oui. Mais insipide. Ouais. Ouais, mais il a le courage de le faire. Il a le courage d'être insipide et d'y aller. J'avoue, là, on a un clash. Je fais des quiz sans arrêt, je fais du clash comme ça. Et... Bon, bah voilà. Sur les gardiens, prochain quiz sur les gardiens. Allez. Le nombre de passes faites de l'extérieur du pied en dehors de la surface au 19e siècle. Et moi, j'en ai une, mais je crois qu'il n'y en a qu'un. Quel est le gardien du Racing qui s'est encaissé deux fois un but dans la même saison en dégageant sur un joueur adverse? Donc une fois le cul. Ouais. Et c'était pas Debes plutôt? Comment? Ça a dû lui arriver, non, Bélarouche. C'est Debes ou Sansom? Non, c'est Debes. Sansom l'a fait une fois. Tu sais, quand Corentin Martins refait ses lacets, et c'est véridique cette histoire. Et il était pas bien grand pourtant. Et il jouait à Nantes à l'époque. C'était pas facile. Et lui, il refait ses lacets, donc bon, voilà. Ça, c'est Sansom. C'est Sansom. Ah, c'est Sansom. Et il lui dégage dans le cul et la balle rentre. Bon, Debes, il a un autre corps. Il a fait une séance de pénalty sans encaisser un seul but. Contre Metz. Et ça, c'est autre chose, ouais. Et j'ai vu son maillot. J'ai un maillot de Debes à la maison. Je m'étais intéressé. On peut finir là-dessus. Thierry, si tu nous écoutes. Évidemment qu'il nous écoute. Oui. Bah, il nous finance même. Évidemment. En grande partie. Bon, alors, merci pour cette émission. Merci à tous. Allez, Racine. Il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.